Bienvenue à C'est fou le sexe en ce 13 février, veille de la Saint-Valentin. Bienvenue à tous et toutes. Et toutes. Et toutes. Bon matin. Hello there. Comment allez-vous? Comment vas-tu, Pierre? Ça va bien aujourd'hui. Ben, ça va bien. Écoute, il fait beau. On dirait que... Ben, hier, je regardais ça, il était à 6h30, puis il y avait une petite clarté. Donc, ça veut dire que les journées rallongent. Et c'est cool, c'est le fun, j'aime ça. Est-ce qu'il y a uniquement la journée qui rallonge? Le soir, non. Qu'est-ce qui rallonge à tout moment? Aux auditeurs d'en décider. Natacha, est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui rallonge? En tant que femme, parle en tant que femme. En tant que femme. Tout. C'est ainsi, là. Tout rallonge. Ben, en fait, mes nuits raccourcissent, mes journées rallongent, puis mon étude est en plein dans son... Une effervescence. Ouais. Effectivement, la mi-session s'en vient à grand pas. Surtout avec la semaine passée, où il y a deux semaines où j'étais absente de la radio. Oui, ça, j'ai ça eu une manqué bronchite. Beaucoup. Ben, j'ai vraiment manqué une semaine où j'étais au lit. J'ai pas pu étudier. Fait que là, j'ai comme beaucoup de travail à reprendre. Fait que je suis un peu dans le rush. Fait que je te dirais que moi, c'est ma vie. C'est temps-ci. Oui, on comprend. Hey, on a aussi un invité de marque. Un invité de marque que tu vas nous présenter, direct là. Oui, c'est M. Conrad Tremblay. Nom fictif ou... Non, c'est son vrai nom. Et Conrad, c'est un fan de C'est fou le sexe. Écoute, il me disait ça comme ça, hein, n'est-ce pas, Conrad? Il sortait d'un club de danseuses qu'on n'aimerait pas faire la publicité. Puis à un moment donné, il rentre... Sur une butte. En tout cas. Et qui, sur une butte. Il rentre dans son... il sortait peut-être pour rentrer chez eux puis s'occuper des tics. Et à un moment donné, il rentre dans son char, tout ça, parle à la radio et qu'est-ce qu'il écoute pas? C'est fou le sexe. Oh my God! Le soir, un samedi soir. Alors donc... Chers auditeurs, quand vous n'avez rien à faire un samedi soir, vous êtes toutes seules, ben écoutez... Et que vous sortez d'un bar de danseuse, écoutez notre charmante voix en rediffusion. Oui, ouais, mais ça, bien sûr. Puis il disait ça, il dit, écoutons, c'est le fun d'écouter ça. C'est fou le sexe, c'est tellement capoté. Fait que donc... Rien de mieux que pour prolonger une érection que d'écouter C'est fou le sexe. Puis il y a même, en-delà de ce vécu-là qui m'a frappé vraiment, j'ai comme été transfiguré par Conrad. J'ai des amis, hein, qui faisait longtemps que je n'ai pas vu, qui écoutent C'est fou le sexe. Ils disent, tabarouette, c'est Pierre qui est là. OK, je vais prendre contact avec lui. Donc, c'est comme un genre de rendez-vous qui aide à faire des retrouvailles. D'amis. Mais moi, tu sais quoi, hier, je suis vraiment déçue. C'est métaphysique. Hein? Parce qu'on avait dit à nos auditeurs qu'on serait là à conférence d'Anthony, que je serais là pour leur signer une fesse. Puis... Une fesse? Une fesse. Ben, un pec, un sein, ce que tu veux. Un chest. Un chest. Une main, un étui de cellulaire, peu importe. Mais j'ai eu aucun fans pour venir se faire autographier mon nom. J'ai été vraiment profondément déçu. J'ai dû me faire signer un sphincter pour la consoler, bâtard. Ah oui, ah! Signe son nom, excuse-moi, tu signes son nom sur un sphincter, puis quand c'est pas facile. Ça rallonge. Ouais. Ça fait une couleur un peu brune, comme s'il fumait un cigare. Oh my God. Non, écoute, on dit n'importe quoi, ma tête. Écoute, Pierre, c'est trop d'image pour ma tête. Déjà que mon image était explicite. Non, j'étais censé me faire interviewer par Radio-Canada, la radio de Radio-Canada. J'ai pas eu de nouvelles, tout ça. C'était à quel sujet? La sexualité des personnes. OK. Puis ça fait, je faisais des années que je donnais ce cours-là. Même à l'UQAM, fait que donc, j'ai pas été, puis j'ai entendu, pas eu de nouvelles. Mais t'as vraiment manqué une bonne conférence. Moi, j'ai vu sur le net que beaucoup de gens ont dit c'est une belle conférence. Je suis fier de toi, Anthony. Ça a été bien. En tout cas, les commentaires. Mais il y a aussi un journaliste Zone Campus qui était là. Oui. Une mini-entrevue. Monsieur Cheval. L'animal, en effet. Ah oui, OK. Un nouveau, en fait, journaliste. Je m'en allais dire une blague très, très... Je vais la garder pour moi, on est en onde. On peut poser la question, est-il équipé comme... Comme un cheval. Mais bon. Natacha. Hein? On va dire que c'est son initiation pour bienvenue dans l'équipe, cher collègue, parce que j'écris aussi dans Zone Campus. Donc, je peux le considérer effectivement comme mon collègue. T'écris bien, hein, Antoine? Merci. Donc, que d'éloges ce matin. Arrêtez, je vais rougir. On te lance les fleurs bientôt, tu vas avoir le pot qui est avec. Je m'attends au pot. Je pense même que j'ai reçu le pot avant. Avant de m'en aller. Avant de m'en aller. Pardon. Donc, ce matin. Oui, oui. Une chose, peut-être, M. Conrad. Si je m'abuse. Mais il pourrait nous parler un petit peu, M. Conrad, ce matin. Ça va bien? Oui, vous commencez. Écoute, pas de préliminaire, allons-y. C'est parce que la face que je voulais parler, moi, je parle du sexe oral, mais il dit. Parce que M. Conrad est en expérience sexuelle? Non, mais voulait parler de la position du canard. Et moi, je me dis, c'est dans l'occasion de la position du petit canard. Oui. Mais moi, premièrement, ce que j'apprécie beaucoup à l'émission présentement, c'est de voir à quel point vous êtes en train de me monter une réputation alors que j'ai pas encore dit un mot. On est des experts là-dedans. J'ai vu ça. On déroule le tapis, Conrad. Ben, c'est parfait. Mère Teresa a une réputation de sainte. Ah non, quand elle passe à l'émission, elle a eu une réputation de fille facile. Là. Mère Teresa. Mère Teresa, ouais. Posthume, par contre. Oui, c'est ça, c'est outre-tombe. Outre-tombe, effectivement. On est bien bon là-dedans, c'est tout ce qu'on peut dire. Ah, on veut quand même faire des niaiseries. Ouais, c'est parfait, très à l'aise. Mais oui, la position du petit canard, vas-y donc. Ça, c'est lorsque la femme bat ses ailes et qu'elle est assise sur l'homme. D'accord. La face. Et quel genre de stimulation ça peut créer pour les deux partenaires? Avant de rentrer en onde, on va juste mettre un peu en contexte. On parlait de la conférence Anthony hier. Que j'ai dit à la blague que j'ai trouvé ça vraiment drôle. L'exemple que j'avais donné. L'exemple que tu as donné. Une femme pourrait, agresser son partenaire. En s'assoyant sur son visage le matin sans qu'il y ait eu consentement préalable. Mais alors là, bien sûr, ça dépend si le partenaire continue d'être heureux avec la chose. S'il ne l'est pas, à ce moment-là, certes, c'est une agression. Mais oui, effectivement. Et donc tu es en train de nous expliquer, Conrad, que la position du petit canard, c'est... une agression. Pas nécessairement une agression. Mais ça dépend de la vitesse à laquelle la femme bat des ailes. OK. Non, mais il faut dire qu'il n'a pas l'air à se plaindre trop de ça, lui. Hein? Non, non. Non, c'est. Oui, c'est, ça peut être agréable. Ça peut être agréable. OK. À quelle vitesse doit-elle battre des ailes? Il faudrait demander au canard féminin. Est-ce que tu as déjà pratiqué la dite position, Natacha, en tout respect, bien sûr, tu n'es pas obligé de répondre? C'est-tu déjà arrivé? Sûrement, mais c'est pas quelque chose qui... Tu sais, je suis pas très matinale dans la vie, fait que... Ben, c'est sûr. Ouais. Ce soir. Pour l'endormir, en fin de compte, le partenaire, c'est ça. Écoute, je rentrerai pas dans les détails de ma vie sexuelle privée. Mais ça, quoi? Tu nous invites, tu ouvres les portes à ça. C'est pas moi qui ouvre les portes! C'est Saint-Gré-Pierre. Est-ce qu'on a un sujet ce matin? Bien, en fait, on était supposé avoir un sujet, sauf qu'à la dernière minute, on a un peu changé de... Oui, effectivement, on était... Puis on va sûrement avoir... J'ai pas eu de nouvelles encore de confirmation, mais on était supposé avoir un invité qui est un milléniaux, un étudiant ici de l'UQTR. J'attends toujours sa confirmation pour 10h30. C'est pas un milléniaux de vin, hein, milléniaux. Mais j'avais envie qu'on parle un peu de... Non, c'est pas une sorte de vague. Mais j'avais envie qu'on parle un peu des réseaux sociaux d'aujourd'hui, un peu faire un retour avec le documentaire qui a eu L'amour au temps du numérique, qui je trouve qui reflète très, très bien la société dans laquelle on est présentement. Alors, ça va être pas mal le sujet de la journée. On va rentrer en lien un peu avec la Saint-Valentin, bien sûr, qui est demain. Je pense que Pierre a une chronique assez intéressante par le fait même. Puis avec notre invité, Conrad, qui se joint à nous en tant que fan de notre émission. Mais juste un petit remerciement à Étienne Guillemette, qui vient tout juste de m'écrire sur notre page et qui me disait que notre ami Pierre avait l'air d'être à 10 mètres de son micro, donc... Ah oui? Ride in the Axe. OK, là, ça a l'air correct. Oui, c'est, oui. Ça okay. semble bien. Ah, c'est cool que les gens nous écrivent en fonction de... On aime ça! Oui, oui on oui. aime vous lire, on aime quand vous nous écrivez. Fait que, Étienne, on sait que tu nous écoutes. Je suis déçue que tu ne sois pas venu hier à la conférence pour avoir mon autographe, mais c'est pas grave, je t'aime pareil. Après les fleurs, là, le pot! Mais c'est toujours plus agréable d'avoir le pot de Natacha que quand c'est moi qui le pitch. Est-ce que Natacha, tu charges pour ça, c'est gratuit? Un autographe? Oui. Ben là, quand même! Je m'appelle pas Paris Hilton encore. Encore. Ça va venir, la semaine prochaine. OK. Écoute, un jour, je serai une grande animatrice de ce monde et moi et Anthony, on va être un duo enflammé en parlant de sexualité. Ah, arrêtez, arrêtez. J'ai comme des trucs dans la tête. Arrêtez, arrêtez. Ah, ça fait des bing-bang, hein? Des bing-bang? Tu fais beaucoup de bing-bang ce matin. Toi, on le sait, Pierre. OK. Mais nos auditeurs sont habitués. En fait, c'est si t'en fais pas, c'est là qu'ils appellent. Donc... Est-ce que Pierre est là aujourd'hui? On n'entend personne frapper sur la table. Il est en santé, il va du bien. Est-ce que sa santé mentale va bien? Est-ce que sa santé mentale va bien? Des fois, oui. Des fois, oui? Oh, oui. Quand t'as le temps. Alors, Pierre, qu'as-tu à nous parler ce matin? Je commence, moi? Dans oui. le vif du sujet. Dans le vif du dans sujet. Dans le vif du sujet. Bing bang de même. Là. Même pas de je vais parler du le sexe oral de notre pas d'hier. J'imagine. Ah, ouais. Eh bien, c'était une belle introduction, d'ailleurs, avec la position du psychanalyste. Ben oui, c'est que ils vont venir plus... Ben, je pense qu'il y en a... Ouais, y a-tu d'autres choses à dire là-dessus? Ben non, mais peut-être juste présenter pourquoi je suis ici ce matin, finalement. Oui, oui vas-y. Moi, en fait, Conrad Francœur, vous avez sûrement... Francœur ou Tremblay? Tremblay. OK. Vous avez sûrement compris, c'est un nom fictif avec ma voix, que j'ai pas cet âge-là nécessairement. Donc, moi, j'ai 32 ans. Je travaille auprès d'une clientèle qui est quand même jeune, donc j'ai quand même observé beaucoup les milléniaux. Puis c'est ça. Donc aujourd'hui, je vais pouvoir vous parler peut-être un petit peu plus en détail de ça lorsqu'on viendra dans le sujet. Exact. Avec un bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Comment, par ailleurs. Donc Pierre, le sexe oral, okay. Ça ne date pas d'hier, donc non, ce n'est pas vrai. Es-tu en train de nous dire ça? Non, non, c'est parce que, écoute, on pense que le sexe oral est arrivé avec... la vague qu'on a connue des années 70-80 avec la pornographie, la libération sexuelle des années 50, ou même peut-être les cours de sexo. mais non, c'est encore plus mais long que ça. En parlant de ça, je m'excuse, je fais une parenthèse, je trouverais ça vraiment intéressant qu'on ait une émission dédiée à des rituels différents dans les religions. Exactement. Puis moi, ça m'amène à un point. Déjà là, je te coupe. Ça va pas bien. Il est habitué de nous couper, c'est correct. La plupart des gens, je pense, quand ils entendent sexe oral, pensent à des fellations, alors qu'on oublie souvent que le sexe oral, ça peut être aussi un homme qui fait une femme. Un cunnilingus. Et je serais curieux de voir dans l'histoire... Ou un analingus aussi. Dans l'histoire, en général, dans le fond, il y a eu des sociétés qui étaient peut-être plus patriarcales. Comment ça a évolué à travers ça, le sexe oral? Bon, mais on va te réinviter, puis t'en parleras. Hein? Ouais, mais je pensais que c'était plus le travail de Pierre de faire la recherche. En fait, le travail de recherche, c'est davantage Mélanie qui n'est pas parmi nous ce matin pour cause de maladie. Et Pascal aussi, elle n'est pas... Pascal non plus ne sera pas parmi elle nous. Elle est bien, bien loin dans le froid. Oui, à Chefferville, on la salue par ailleurs. Oui, c'est ça. Bon, si on vient au sexe oral, on est dissident ce matin. Est-ce que je vais finir? J'ai trois pages à lire. Vas-y. Et, comme je te dis à chaque fois, fais une page et demie. On va en avoir en masse. Okay. Fait que l'importance des rapports bucco-génitaux dans l'Antiquité. OK? C'est ça que ça relève. Bucco-génitaux, ça fait plus... dans l'Antiquité. Réservé, plus... Moi, ça fait homme des Cro-Magnons. Non. Les Orientaux ainsi que les Grecs et les Romains de l'Antiquité ont toujours donné une place primordiale au rapport bucco-génitaux, communément appelé le sexe oral dans l'expression de leur sexualité. Les rapports amoureux avec leurs caresses intimes entre les individus ont toujours inspiré les artistes et les littéraires de ces civilisations et eux ont laissé des traces de ces représentations dans leurs arts. Pas vrai? OK. On est juste allé à Pompéi puis regarder qu'est-ce que les Romains ont fait, là. Cela ne date pas d'hier et on voit toujours des images et des écrits littéraires qui nous représentent des scènes sexuelles et des caresses intimes très explicites entre deux personnes consentantes. C'est oui, ça. Oui, très important. Ça, c'est important. Sans nécessairement tomber à l'envers des qualificatifs de représentation à caractère pornographique, ceux-ci nous ont été suggérés soit par l'entremise d'une poésie, d'une religion, eh oui, d'une image, d'une peinture, d'une philosophie ou d'un quelconque art de vivre. Ben quand même. Alors, même la révolution sexuelle commençait au début des années 50, pendant laquelle la sexologie devenait une science. OK, le mot sexologie date de 1749. Hein. De alors, donc, 1700? Non, 1949. 1949. OK. Un peu dans l'ère Kinsey, là. Oui, oui, oui. Nous avons été obligés de retourner quelques siècles en arrière afin de nous ressourcer à une pédagogie qui édifia les fondements de l'érotologie, c'est-à-dire cette science de l'art de bien faire l'amour. Ah! Et boy! Tu sais. L'érotologie est la science de bien faire l'amour. Oui! C'est pas enseigné, évidemment. Non, c'est pas enseigné au primaire ni au secondaire, qu'au moins à l'université. Mais quand j'ai commencé l'UQAM en section des années 80, on en parlait beaucoup avec Jean-Yves Desjardins, qui était un des fondateurs du département. Et bon, là, on ne parle plus de ça. OK. Mais est-ce que je fais une parenthèse parce que ça pique ma curiosité ce matin, l'érotologie. Est-ce qu'il y a des livres de référence? Est-ce qu'il y a... Je vais en parler. OK. Ben, parce que des gens pourraient être intéressés à s'informer sur le sujet. Dans les sex shops, t'en as beaucoup. Dans certaines librairies. Mais est-ce que c'est surtout anglophone, des manuels qui sont valables? Ou est-ce que oui. C'est... OK, oui, d'accord. Oui, moi, j'ai des années 70... quand j'avais acheté ces livres-là, 80-70, c'était des livres qu'on retrouvait surtout dans les librairies anglophones. Ah, OK. Comme chez Coles ou aux États-Unis, là. Barnes, là, c'était quand même assez plus libéral qu'au Québec. Peut-être qu'aujourd'hui, avec Amazon et avec les librairies en ligne... Oui. Peut-être plus de disponibilité, bien et sûr. Plus d'ouverture aussi. En tout cas, il y en a une que je vais donner, là, puis on pourra regarder ça. Mais sur Amazon, il y en a un livre que j'avais moi acheté en 75, puis qu'on trouve encore sur Amazon. OK, fait que donc, les fondements, OK. L'un de ces écrits de type pédagogique auxquels on peut encore se référer nos jours, et dans lequel la représentation des images et des rapports bico-génitaux est très subjective, c'est le fameux Kama Sutra. Oui. OK. Ou les aphorismes de l'amour. OK. Il est le plus ancien, le plus célèbre des traités des choses de l'amour, composant le 1er et le 5e siècle de notre ère, dans l'Inde ancienne, et basé sur des écrits antérieurs, il renseigne sur tout ce que la vie sociale et le mariage. Et c'était plus que ça. Tu sais, c'était un livre, on parlait évidemment des positions sexuelles, mais il y avait toute une composée sociale aussi, qui n'était pas seulement représentative par rapport au sexe, mais plus en fonction aussi d'un art de vivre, l'alimentation, la façon de s'habiller, la façon de parler, la façon de... Et ça, je trouve ça intéressant, d'inclure la sexualité et ne pas la mettre à côté, comme aujourd'hui avec les films pornographiques, là, ou les soi-disant films érotiques qui sont complètement dénudés d'un certain... composante, je dirais, idéologique, là, tu sais. Où on met l'accent sur la relation sexuelle uniquement, ou même sur le coït. C'est ça. D'accord. OK. Fait que ça a été traduit en anglais, la première traduction du Sanskrit, c'est un écrit en Sanskrit en anglais, en 1873. OK. Puis justement, c'est un livre qui était, je dirais, il n'était pas dans toutes les grandes bibliothèques, hein? OK? Non, j'avoue. Fait que, dans le temps de l'ère victorienne, là. Il a été publié dans de nombreuses éditions. Il est encore possible de se procurer dans de très bonnes librairies. Moi, j'en ai parlé tout à l'heure. Mais par contre, avant ça, il y avait des œuvres qui ont été publiées par les Chinois, les Japonais, au niveau de l'ordre érotico-philosophique, sont évidemment le Tao et le culte du Shinto. Un de mes cours, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu ça... Sécurité du 21e siècle, le culte Shinto ou le culte du pénis. On fait encore ça au Japon. Avec le fameux festival du pénis. D'ailleurs, on est censé de s'entretenir bientôt avec l'organisatrice du festival de Montréal. Oui. Ah oui, elle a pris contact. On a pris contact avec elle. On devrait avoir des... Cool! On devrait l'avoir en entrevue bientôt. Je vais justement en reparler un peu dans ma chronique. J'en ai parlé la semaine passée un peu brièvement, mais en plus, là, on sait l'emplacement qui ont loué trois grandes suites. Ça va être super cool. En tout cas, moi, j'ai vraiment hâte d'aller, d'aller voir. Mais l'année passée... On va organiser une délégation de l'UQTR. Peut-être pas de l'UQTR, mais de Trois-Rivières. Mais pour vrai, quand j'avais été à un événement à Montréal, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était une espèce de petit musée sur la sexualité qui était grand comme notre studio de radio. J'ai été très déçue de mon déplacement. Mais il y a quand même des artistes très intéressants. C'est juste que quand tu t'attends à autre chose, t'es un peu déçue, malheureusement. On pourra parler de projet après l'émission. C'est notre ami Pascal qui a mis sur le site de C'est fou différentes représentations de vulves féminines. Hein? T'as vu ça? Oui, effectivement. Puis je trouvais ça très le fun, très plaisant. Au moins, il y avait comme un écrit qui était artistique et pédagogique. Mais au Salon de l'amour et de la séduction, je crois, il y a à peu près 3 ans, quand j'étais allée à Montréal, il y avait un kiosque où ils prenaient des empreintes, si on veut, de ton vagin. Puis c'était un moulage. Puis c'était comme en or après ça. C'était tu pouvais l'utiliser comme bibelot, comme porte-carte ou dans différents. T'es bénévole pour cette affaire-là. Non, mais c'est intéressant. C'était vraiment beau, c'était vraiment artistique. J'ai vraiment adoré ça. Bon, on peut faire ça avec les pénis aussi. Oui, sûrement. Et je pense que. C'est parce que les pénis sont souvent moins complexés. Ils sont très complexés pour l'homme. Mais ils sont davantage mis de l'avant. Mais on parle souvent des complexes. Parce que les vulves sont souvent... Même Jimi Hendrix, ça fait mouler son pénis. Mais on parle souvent de complexes masculins au niveau de la grosseur de leur pénis. Mais on parle rarement des complexes féminins au niveau de leur... De la vulve. Et pourtant, c'est très peu de femmes qui vont oser. Mais ils ont souvent moins de comparatifs. Ils ont souvent, effectivement. Je pense aussi. Ben parce que dans un film porno, tu vois seulement tu vois seulement un type de vulve, si on veut. Tu sais, tu vois pas tant de différence que ça. Et en fait, on recule. Mais ce serait de savoir est-ce que les femmes dans les films porno ont eu des chirurgies pour avoir un certain modèle de vulve qui se ressemble plus. Est-ce qu'on peut faire de la chirurgie par rapport certainement. À la vulve et au vagin, ça c'est sûr. Puis, à New York, ce que j'allais dire, c'est que je crois que ce qui est mis de l'avant plus pour les femmes, qui représentent peut-être plus la féminité, ça va être plus les seins et les fesses, je crois. Puis l'homme, ça va être justement le pénis. Donc, je pense que c'est vraiment... question culturelle, puis que la symbolique de la chose est différente, dans le fond. Là. Monsieur Corrade, vous êtes bien informé. Je vous félicite. Merci. Dieu, Corrade, vous avez cette information très scientifique et ludique. Ah, au même endroit où j'ai découvert l'émission la première fois. Oui, on s'est bien dit. Et la position du petit canard, évidemment. Effectivement. Ça réveille. Hein. Ça amène des chaussures. Non, rien de il y a beaucoup d'étoiles qui arrivent à ce moment-là, tu sais, surtout le matin. Le canard, ça dépend de la partenaire, effectivement. Oui, évidemment, ça dépend de son petit canard. OK, fait que je vais continuer. Donc, ça peut se continuer un petit peu? Okay. Oui, tu peux continuer. Là, je vais être obligé de revenir. OK. L'une des caractéristiques des taoïstes... Des taoïstes? Oui, ouais, ceux qui pratiquent le tao, ma Natacha, est de mélanger des pratiques sexuelles avec leur technique de méditation. Pas de médiation. On n'est pas devant des avocats. Bien, méditation, oui, mais oui. Méditation sexuelle. Il y a même... De mélanger la méditation mode, et il y a une nouvelle mode qui est en lien avec ça, c'est faire du yoga nu. Est-ce que vous entendez cette nouvelle mode-là? Déjà que je ne suis pas bien beau tout nu, imagine pencher dans la position du cygne. Okay, non, c'est ça. On essaie d'éviter le monde vient de déjeuner. Ben, OK, écoute, moi, quand je vais au yoga... Que les filles soient habillées ou nues, c'est assez dérangeant. Ah oui, c'est... ben, quand même! Il y a du legging. Il y a du legging moulant, je te dirais, avec des fesses, T'es capable de deviner ce qu'ils ont mangé avec. Non, mais ça laisse vraiment place à... En fait, peu de place à l'imagination. Oui, mais les filles, c'est ça. Même pas seulement faire du yoga, quand je donnais mes... Mais honnêtement, je pense que si tout le monde serait nu, je pense que ça serait moins pire. Oh my God. Mais c'est comme aller dans un un camping nudiste. Mais c'est que les leggings cachent un peu les défauts. Tout le monde a leur fait parfaitement. Ouais. Peut-être que si tu les voyais nus... Ça dépend. Si tu vas dans le coin du Walmart, d'après moi, ça se peut que tu... Walmart aux États-Unis, on parle pas du même genre de leggings, effectivement. Non, mais leggings que je veux parler, Conrad, moi, j'ai... T'as les mêmes rayures, mais plus étirés. J'avais des étudiantes, puis des femmes le font aussi, les filles, en grande majorité. Portait des leggings quand même assez bien moulants. Mais en tant que prof à l'université... Il portait pas de string et de petites culottes, évidemment. Parce que tout bien vieillir ça. Soyez tout l'appareil. Mais moi, attendez, je suis en fauteuil roulant. Je regarde plus dans les yeux, je regarde plus au niveau. Oui, non, c'est ça. Tu regardes dans l'œil unique. Non, mais à un moment donné, comme dans Seigneur des Anneaux. Là, c'est flagrant, puis peu importe, là. Mais en tant que prof, ça doit être assez déconcentrant. Parfois, tu sais, moi, quand j'étais au secondaire, c'est bon le temps de... pouce en haut du genou, la jupe, tout ça, mais... On m'a raconté une anecdote, justement. Oui, puis, Pierre, c'est une coupe, là! Ben oui. Mais moi, j'ai le droit. Ça fait partie de la fonction. Oui, mais quand même, hein? Bloquer une femme. Non, mais ce que je voulais dire... Oui, vas-y, laisse parler Natacha. Non. Ce que je voulais dire, c'est qu'en tant que prof, ça doit être vraiment perturbant voir les élèves avec des leggings super moulants ou... Tu sais, un gilet hyper décolleté. Moi, ça me dérange pas. Ça m'a dérangé avant, en 92, dans le temps du film Basic Instinct. Je me souviens, un cours d'été, je donnais un cours, puis il y avait une blonde, une femme très bonne, très jolie d'étudiante. Tu sais, peut-être qu'elle va se reconnaître. Non, mais peut-être pas. Et à un moment donné, je donnais un cours en avant, puis tu sais, Sharon Stone, elle écartillait des fois, puis elle mettait une jambe par-dessus. En fait, la même chose. Tu crois que c'était volontaire? Non. Ben, je ne sais pas si les notes sont importantes. C'était ce que je te racontais, Natacha. L'anecdote, c'est ça. Et ça ne vient pas de Pierre, ça vient d'un autre professeur qui m'a raconté ça. Au point où ils ont dû intervenir auprès de... Est-ce que tu peux me raconter l'anecdote? Malheureusement, pas vraiment. J'ai pas fini. Fait que la fille, la blondinette... C'est ça. C'est exactement la même, le même type d'anecdote où une étudiante... s'écarte les jambes sans sous-vêtements. Je me trouve vraiment conne de jamais avoir essayé de faire ça pour mousser mes notes. Qui sait, j'aurais peut-être dû. C'est pas avant l'émission qu'on parlait de mousse. Mais juste te dire que ça a été. Puis en plus, la mode des vulves rasées, entre guillemets, était très, très populaire à l'époque. Là encore. Mais le poil revient à la mode, hein? Oui, oui, j'ai vu ça, que le poil revient à la mode, mais en tout cas... un poil qui manque... Je suis content qu'on en parle. Mais ça m'a déconcerté, puis j'en ai perdu mon latin. En tout cas, tout ça pour dire que c'est... Ben oui, ben là, écoute... Je suis rendu où? Je me souviens plus. Est-ce que je peux dire... Je vais finir ma... l'une des caractéristiques des taoïstes, c'est de mélanger des pratiques sexuelles avec leur technique de méditation. Ça, je suis rendu là. Un peu comme dans OD, le tantrisme qu'il y a eu. Le tantrisme. Les taoïstes, oui, d'ailleurs, on... oui, ce matin, il est lié fort que j'arrête de prendre mes médicaments. on a eu une demande spéciale pour le tantrisme. Faire une émission spéciale sur le tantrisme. Oui, je sais. On se met ça dans notre petite page en arrière. Et on regarde ça. Excuse Pierre, je ne te coupe plus, je ferme même mon micro. OK. Les taoïstes se rendirent compte que les techniques de retention du sperme, écoute ça, c'est pour toi, ça, et pour Conrad aussi, étaient d'une efficacité sans pareille, ce qui veut dire avoir des érections sans éjaculer. Non seulement l'homme ne dispersa pas son énergie et la femme ne se trouvait satisfaite, mais une subtile alchimie s'opérait entre eux. C'est sûr, quand le gars est capable d'être en érection, puis pas éjaculer, c'est cool, hein? Pas vrai? Est-ce que tous les hommes sont capables de pratiquer ça? Oui. Ça répond à ma question. Quand ta bouche est trop, hein? Je veux dire, quand je te dis ça, oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui. Donc, ça va dans le thème des journées qui rallongent, les rapports sexuels doivent rallonger aussi. C'est ça. OK, fait que donc, le mâle... Si vous êtes un massage à quelqu'un à la maison, je sais pas. Non, pas du tout. OK. C'est une curiosité, puis pour les auditeurs aussi, écoute. Moi, je suis là pour informer. Non pas pour déformer. Exact. OK, le mâle prend alors le yin de la femme, et celle-ci profitait de la plus essence du yang de son partenaire. Parmi de nombreux traités chinois d'initiation à la sexualité figure le célèbre Su Nun King et le Su Nung Fang, dans lequel on voit le légendaire empereur jaune Yong Li, qui dit « Guérin sur la Chine, 1697 à 2597 avant Jésus-Christ », ce qui veut dire qu'il est mort, lui... Vers midi. Attends une minute, là. Il est mort à Christi, il est mort à 100 ans. Ah, ben quand même! Mais c'est ça, les Asiatiques, eux autres, manger des sushis, je pense que ça fait la job. Mais c'est pas l'ensemble des Asiatiques qui mangent des sushis, par ailleurs. Je sais que les restaurants... Je le sais, Anthony! OK, fait que... OK, on va arrêter, là. Vous aviez pas fermé vos micros? Oh, je suis tellement indiscipliné. On a juste fait semblant pour Pierre, tu sais. OK, fait que, donc, l'empereur Jean Wang Didi, il a reçu son éducation sexuelle par de très jeunes femmes expertes. Chanceux, lui! Oui, bon, écoute, son empereur pouvait se payer n'importe quoi. Ses traités sur les questions sexuelles dataient du 4e siècle et étaient souvent accompagnés de poèmes et d'illustrations peintes à la main. Il démontrait les différentes façons d'offrir des caresses beaucoup génitaux à son partenaire et qu'il est profitable de faire l'amour le plus longtemps et le plus souvent possible jusqu'à un âge avancé. Excusez, je suis en train de broyer. C'est beau quand même comme non, message. Non, mais c'est l'émotion. J'avoue, ben oui, là. Voici l'un des passages les plus savoureux. Écoute ça. L'homme, même âgé, ne peut être sans femme. Son attention gagne s'agite. Je me dis qu'il doit, mais il doit, son pénis devient fou, en tout cas. Si son attention s'agite, ses esprits se fatiguent, sa longévité diminue. Le but du coït est d'équilibrer les énergies, d'apaiser le cœur et de renforcer la volonté. Me demande pourquoi tu prends un accent. Hein? Ensuite, c'est pas grave. Arrive la clarté de l'esprit, le Shang Meng. Le Shang-Meng. Oui, peut-être c'est une même qu'on dit. Il vendait pas ça, maintenant. Et le sujet ressent un bien-être profond. Non, c'est le chamois, t'as rien. Le chamois. Chamois. Okay. Non, non, on n'est pas là-dedans. Ah, c'est pas pareil. Le chamois, là, qui avec un tarlac qui... Moi, il y a... D'ailleurs, t'aurais été bon pour faire ce genre d'annonce. Ben, j'ai pas okay, studié, hey, mais c'est l'autre qui gagne. Anthony, je finis, là. Ben oui, finis-nous ça, comme un coït. Ensuite, arrive... Ensuite arrive la clarté de l'esprit, ok, Shengbing, et le sujet ressent un bien-être profond, ni faim, ni chaud, ni froid, ni satiété. Le corps est en paix. La jouissance de la femme par des caresses expertes et des baisers avec la bouche et la langue aux bons endroits de leur corps et le non-affaiblissement de l'homme, voilà le bon résultat. J'ai l'impression que tu es en train de lire des nouvelles érotiques à 2h du matin un vendredi soir. Ouais, et bien alors qu'on est à peu près 10h30 puis qu'il y a peut-être des enfants dans le poste. Qu'on a les yeux collés encore. Je pense que le père, la mère qui n'a pas encore changé de poste, devrait peut-être se poser des questions sur son ses capacités parentales, sans vouloir être... Okay. Mais quoi qu'il peut garder le poste ouvert, mais il faut qu'il soit prêt à faire de l'éducation sexuelle ce matin. À beaucoup expliquer aux enfants. Oui, chez les Japonais, l'art érotique des caresses beaucoup génitaux étaient beaucoup plus présents et abondants comparativement aux Chinois. Okay? Très tôt, la civilisation nippone intègre l'érotisme dans le quotidien. Il a été vécu sans frein, même à la cour que dans le peuple, à la cour royale évidemment, où circulaient quantité de manuels sexuels qui sont au sens propre le thème de livres de chevet. L'art du couit et des baisers codifié dès le 9e siècle. OK? Évoque l'art de l'accouplement des langues et des deux partenaires intimement mêlés dans où la compilation qui les réunit demeure le point central de l'union des corps amoureux. Hey, c'est moi qui ai écrit ça. C'est beau, certain. C'est par beau, contre, c'est pas du copier-coller. C'est très, très beau. Je finis la phrase. Non, ben tu finis. Ben, il n'y a pas de phrase de voir dans les campagnes japonaises, OK, du temps des sculptures taillées dans la pierre et figurant des coupes relâchées, bouche et sexe unis. OK, là, tu peux y aller. Génial. On va revenir après la pause. Pierre, tu vas pouvoir terminer ta chronique. On a été très dissidents ce matin. je t'accorde le temps qu'il faut pour terminer ta chronique. Par contre, on va quitter pour une courte pause. Revenez-nous tout de suite après. Vous êtes assez fou? 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Thank you. Né en 2002 à Montréal, Slamdisk, c'est le label de la découverte francophone. C'est près de 40 000 albums, plus de 100 vidéoclips et la gestion de plus de 800 spectacles. Pour tout découvrir et vous tenir au courant, abonnez-vous à la page Facebook Slamdisk et à la chaîne YouTube. Bonne écoute! Salut Trifluvien et Trifluvienne, c'est Marc Gagné de l'émission C'est dans ta face, là où je te fais passer du solide dans musique rock francophone. Fait qu'attache ta tuque, c'est dans ta face de 15h à 16h à la Radio Campus, c'est fou 89.1. La sortie de secours est une émission de cuisine où chaque semaine nous vous convions à apprendre des recettes comme le bourgeois rôti, le politicien dans sa sauce d'enveloppe brune ou encore le président aux Cheetos. La sortie de secours est à votre gauche. L'émission coquine d'affaires publiques, le jeudi 18h, en rediffusion samedi 11h, sur les ondes de CIFU 89.1. Vous êtes assez pour l'écouter. Pour l'écouter. Pour l'écouter. De retour à C'est fou le sexe en cette veille de Saint-Valentin, en compagnie de Pierre Natacha et notre invité Conrad Tremblay. Conrad Tremblay. On ne sait pas de quelle place qu'il vient. Tremblay, du lac Saint-Jean. Franchement. Vient de lac Saint-Jean. Alors là, ben c'est pas compliqué. Là. OK. Fait, as-tu remarqué que les représentations japonaises sous les rotistes, tu vois tout le temps les... des pénis très gros, puis des vulves aussi assez... Oui, assez disproportionnées, effectivement. Oui, oui. Ça, c'est par rapport, évidemment, à... Un micro qui est accroché de façon violente, oui. Et tu y toucheras plus. Non, c'est ça. Jamais. Non, mais c'est parce que c'est les Japonais... la sexualité, l'aspect érotologique était très important dans la vie. T'sais. OK. Fait que, donc, dès 552, le culte Shinto prit naissance au Japon. Ben, l'importation des grands principes spirituels et religieux du bouddhisme de l'Inde qui, via la Chine, se mêla dans les principes légendaires et philosophiques du Tao. Au moment où les Occidentaux construisaient des cathédrales à l'approche de leur ville, la sexualité de groupe était très pratiquée au Japon dans les temples Shinto qui rassemblaient des hommes et des femmes pour la cérémonie du grand phallus. Et ça, c'était cool. C'est le modèle réussi à mes femmes nues face à face et celle-ci devrait par les caresses manuelles. Non, j'arrive au bout, là. J'arrive au bout, ben non, oui. Mais... Ah, vas-y, coït. Non. C'est le modèle réussi à mes femmes nues face à face. Pensez à ça un matin, là. Et celle-ci devait, par les caresses manuelles et beaucoup génitaux sur leur pénis, provoquer son érection. Le mâle qui demeurait le plus longtemps d'érection, malgré les provocations incessantes de l'autre, quand, était déclaré vainqueur. Donc, si je comprends, bien, c'était le dernier qui avait le coït? Non, c'était le dernier qui éjaculait pas. Ben, c'est ça, ouais. Tu sais, les filles masturbant, en fin de compte, le coït. Tu sais, écoute, on est dans un temps, des gars tout nus, des filles tout nues. Une centaine, là. On se met une centaine, sont toutes tout nues. Des filles d'un bord, des gars de l'autre. Gros gang bang. Les filles masturbaient ou caressaient le pénis. Mais les hommes aussi masturbaient la femme. Non? Non. Non, c'est vraiment l'unidirectionnel. Ouais, dans ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup d'égalité des sexes. Non, mais c'était un one-way, là. Et le gars qui éjaculait le premier était disqualifié. Il était sorti du... Ah ouais, voilà. Éjaculateur précoce. Ouais, mais le gars qui retenait depuis longtemps son sperme ou qui éjaculait pas, était déclaré vainqueur. Et là, il pouvait cogiter toutes les femmes qui pouvaient se présenter à lui. Hein? Mais est-ce qu'il y avait une petite trip? Musique de finale, tu sais, comme dans Final Fantasy? Non. Mais la question, c'est si le dernier à avoir éjaculé, il y avait un petit monde, les filles devaient être déçues. Mais écoute, c'est au Japon, là. Tu t'attends pas à une maillotte de 12 pouces? Écoute, ça serait de faire un amalgame qui dit que l'ensemble des Japonais sont désavantagés au niveau des membres vivants. Quel langage! Par ailleurs, populaire, Natacha. Ouais, est-ce que tu parles de ton mari? OK, parlant de maillage, je vais continuer le reste de paragraphe. Avant, moi, je vais te parler plutôt de Mélanie, notre collègue... Mélanie. Recherchiste. Oui, à l'émission. Qui nous écoute et qui nous salue à tous. Donc, je voulais faire absolument le message. la prochaine, bon matin, Mélanie. À la semaine prochaine, Mélanie. Oui. Prends soin de toi, Mélanie. Prends soin de toi. Le micro, c'est pas ça, c'est ça. OK. Je finis ma traite, oui. Là. Chez les Grecs et les Romains, l'importance des rapports bucogénitaux était reconnue au moins... était moins reconnue que chez les Orientaux. Je veux dire que les Orientaux étaient quand même des gens qui étaient, je dirais, willing. Là. C'était le fun de vivre au Japon et en Chine dans ce temps-là. En effet, il n'existait pas, contrairement aujourd'hui, la Chine est très réservée au niveau de la sexualité. En effet, il n'existait pas à Athènes ou à Rome des manuels d'éducation sexuelle comparables aux ouvrages orientaux. Sinon que dans des commentaires qui tiennent de la légende et que rien ne vient sérieusement tailler. Ainsi, l'œuvre de l'art d'aimé du grand poète latin Ovide ne fut pas un manuel d'initiation érotique, mais peut-être considéré comme étant un guide sur la façon de capter l'attention des femmes. C'est toujours les femmes qu'on capte, hein? Mmh. Oh, mon Dieu! Celle-ci compte parmi les plus grandes classiques de la littérature gréco-latine. Néanmoins, l'attitude des peuples de l'Antiquité à l'égard de la sexualité semble moins compliquée que la nôtre. La littérature classique abonde en obscénité, mais elle est aussi le reflet d'une société qui fut critiquée par les siens. Le poète grec et satyre Lucien, de notre âge 125 à 192, dénonça avec force dans un langage cru les vices, la corruption de son temps, tout en exaltant les plaisirs élevés de l'amour humain. Tu sais, il nous reste dans cette période de scènes de représentation très ludiques qui furent immortalisées entre les vases anciens, des fresques peintes et des sculptures où hommes et femmes, que ce soit dans les rapports hétérosexuels ou homosexuels, s'adonnèrent à des actes de fellation, de cunnilingus, de sodomie, de baisers intenses et de coïts très ardents. Ça va? Ben oui, écoute. Notre imaginaire. J'étais parti dans mon imaginaire, moi. OK, ben, j'allais où on finit là-dessus. Là. Notre imaginaire nous a toujours aidés lorsque nous essayons de nous représenter ces scènes de banquets grecs et romains où, pour l'honneur du dieu Eros, Bacchus et Pan, et aussi Satyre, ainsi que la déesse Aphrodite, l'esprit Orgiaque, qui est au service de la grande fête sexuelle. Et c'est-tu beau, hein? C'est poétique. Les fêtes sexuelles. Non, mais les fêtes orgiaques sexuelles. T'as pas seulement des gars. Je sais pas. Je m'abstiens. Je m'abstiendrai, effectivement. Monsieur Tremblay, oui. Avez-vous déjà participé à des fêtes orgiaques sexuelles? Non. Mais vous n'êtes pas obligé de répondre à cette question-là non plus. OK. Je vous dirais. Pas plus de gangbang non plus. Non plus. Mon Dieu, vous êtes un gars fidèle. Bien, certainement. Ah. Oui, je pense que quand on parle à la radio, on a avantage. Je dois imaginer la femme que vous ayez avec vous. Oui, c'est une elle femme. Elle a tout dans sa boîte à outils pour que vous soyez fidèle, hein? Effectivement. Ah, oh, mon Dieu. Bon, Pierre, je pense qu'on va arrêter ça là. Quel est le féminin du canard? Une canne. Une canne. C'est une belle... Disons que j'ai une belle canne à la maison. Ouais. Hey, le féminin de chiot. Vas-y, Anthony, le féminin de chiot. Ah, il y a de ces matins où je voudrais aller me cacher dans la salle de bain et broyer mes vies. Natacha, oui. Un chiot, c'est le féminin de. Ben là, oui. Ah, vous êtes gentil. Conrad, monsieur Conrad Tremblay. Oui. Le féminin de chiot. J'ai pas à répondre à toutes les questions que vous me posez. On demande. Je demande la présence de mon avocat. Mon avocat. On fait ça un concours, on va faire ça sur le web. Okay. Tant que c'est pas un concours de le féminin de chiot. De durée de coït, ça me dérange pas. Envoyez vos réponses à C'est fou le sexe. On fait tirer les boxeurs usagés de Pierre. Tu vois? Non, j'en ai pas. J'ai aucun. Non, mais ça, on veut pas le savoir. J'ai aucune petite culotte. Ah! Il l'a dit, bon temps. Je n'ai pas ça. Bien sûr, Anthony, d'abord. Ah, écoute. Toi, écoute, livrer le lendemain par le PS. Bon. Ça, je dis, écoute, toi, t'es legging, t'as pas de non, de, mais Pierre, vous êtes bien. Ah, OK, c'est bon. Vrai, bon. C'est vrai, bon, c'est OK, je finis, je prends la réelle. Je pleure. Non, mais je te l'aurais pas dit de même, mais que puisque on est à la veille de Saint-Valentin. Qu'est-ce que vous prévoyez faire pour la Saint-Valentin? Amener ma blonde au souper, là, quelque chose du genre. T'as-tu réservé? Non. 6 mois d'avance. Parce qu'on va dans le restaurant, c'est pas. Au Valentine? Ben, quoi que mais c'est là, quoi, dire. Tu l'as mis nous? C'est quoi, Minou? Tu l'amènes où? Je vous dis pas où. Non, tu veux pas qu'on vous espionne? Non, non, c'est ça, c'est secret. Oh. Petit cachotier va. Mais le restaurant, ce qu'on sait, qu'elle n'a pas affluence. Okay. Mais c'est le 14, il va y avoir du monde. Hein, je dis, malheureusement, c'est ça qui est plate parce que le service, c'est toujours moyen hein, cette journée-là. Il y a trop de monde, pas assez d'employés. Et moi, je veux te dire une chose, hein, Natacha, puis je pense, peut-être que tu l'as remarqué, depuis quelques années, dans les restaurants, en tout cas à Trois-Rivières, mais aussi à Montréal puis dans le Québec, la qualité des aliments, parce que c'est cher, hein, les aliments maintenant, diminue. Dans les restaurants, tu veux dire, Pierre? Oui, oui. Ouais, je suis un peu d'accord avec toi. Oui. Moi, je suis toujours déçu quand je vais au restaurant. Je préfère faire à manger chez moi. C'est une bonne idée. Oui. Oui. Puis je peux te dire que dans les restaurants, en tout cas, l'exemple, là, ben, on ne parle pas de grande bouffe. Quand tu vas lire une pizza, mettons, quand tu vas manger une pizza, la pizza, il y a quelques années, mais il coûtait mieux que celle d'aujourd'hui. Peut-être. Moins de pepperoni, moins de... Bien, c'est ça, ils mettent plus de ce qui coûte moins cher, j'imagine. Effectivement. Mais ce que je trouve super bien, depuis quelques années, il y a beaucoup de restos qui offrent, genre, boîte, tapas, pour apporter, qui a déjà tout. Fait que souvent, tu peux manger des petites bouchées, coupe de vin... Ouais. Et aussi, pourquoi fêter la Saint-Valentin le 14 février, alors que, pourquoi, premièrement, cette date-là a été mise là, on ne le sait pas trop. Mm-hmm. Dans le fond, il y a plein... Des lupercales, là, c'est ça. Okay, j'ai fait quelque chose là-dessus, là, quelque temps, mais... Okay. Excuse-moi, Anton. Non, en fait... Vas-y, qu'on rentre. Ouais, je te faisais signe de ne pas mettre la main devant ta bouche quand tu parles, parce que ça coupe le son. Oui, okay. On va t'attacher à ton fauteuil la prochaine fois. Je suis un gars intense et émotif. Hein, la prochaine fois, je te baïonne puis je t'attache. Mais comment il va faire parler? Ah, c'est moi qui vais contrôler ça. C'est parce que Natacha, c'est une mistress. Hein? Je ne prononce pas là-dessus. Elle est pas au courant de ces éléments. Natacha, elle est de cuir avec le fauteuil. Mais non, elle est plus d'après moi coton ouaté. Non, c'est une mistress. Bon, ça, c'est dans sa tête. Mais moi, je la garde dans... Sauf que t'as pas je prends un chocolat chaud quand il fait frette. Moi, dans ma tête, c'est la fille à chocolat chaud, il fait frette. Basic white girl. Yeah. Ouais. Starbucks coffee, des hugs au mois de juillet, des leggings en été, quand elle s'entraîne pas. Basic white girl. Est-ce que Cora a bien évalué... Ouais. Vous irez voir sur Internet le kit Basic white girl. Ça, c'est... Si vous voulez faire plaisir à Natacha, vous pouvez acheter tous les articles sur cette liste. Vous semblez bien la connaître, quand même. Du David Steve. Vous semblez quand même bien la connaître. Est-ce que vous connaissiez avant? Je ne réponds pas à cette question. Non, je ne réponds pas non plus. Est-ce que c'est Natacha qui porte les leggings? On dévie du sujet. Voilà, on s'en va tromper. On s'enfonce actuellement. OK, Pierre. On reprend ça. On parlait de quoi, déjà? On parlait de Saint-Valentin. Oui. Mais... Effectivement, par contre... Toi, tu fais quoi hier demain? Moi, je fais quoi? Tu me coupes? Il fait à manger. Hein? Est-ce que tu vas cooker pour ta femme? Est-ce que je vais cooker? Je suppose. Cooker. Très sincèrement, en fait. Avec cet enfant. Là, j'ai une question. Moi, je peux-tu prendre le rôle de poser des questions aussi? Ben oui, vas-y. Surtout si c'est à l'alimentaire. Comment ça se fait, parce que moi, j'ai pas d'enfant, comment ça se fait la Saint-Valentin avec des enfants et le couple et... Est-ce que c'est deux choses séparées? Est-ce que... C'est deux choses séparées. Ça dépend des parents. Tu vois, j'ai aucune capacité de parler dans ce studio-là. Ouais, vas-y. Je me fais couper à peu près aux 15 secondes. Fait qu'à ce temps, je fais juste des onomatopées. Comme ça, ça règle le dossier. Mais effectivement, déjà, il y a une de nos filles qui... sa fête est le 14 février. Oh. Donc, ça réduit pas, mais ça monopolise un peu la journée. Je crois que tu as choisi le mot le moins péjoratif. Il réduit pas au moins. Je sais. C'est mon deuxième mariage quand même. Je commence à être habitué dans le politically correct. Donc, ça déplace, si on veut, la Saint-Valentin. Mais c'est là où on ne s'attarde plus aux dates. Que même Noël, peu importe, parce qu'on est quand même une famille recomposée, ça complexifie tout ce qui est date, tout ce qui est fête. Fait que souvent, les fêtes vont être différées, les événements vont être différés aussi, ou vont être regroupés, parce que des fois, on a deux, trois fêtes en même temps, ou dans très peu de temps. Donc, c'est un peu ce qui arrive. Mais je dirais, de façon générale et de façon régulière, c'est important de se garder du temps. de dire oui, on est des parents, mais on est aussi un couple, et ce couple-là doit avoir sa réalité propre. Mm-hmm. Donc, il y a des au moins une fois par semaine, on essaie de on fait le souper pour les enfants, ils vont avoir leur souper, on est là quand même, mais nous, on va manger plus tard. Mais c'est tout en votre honneur. Je pense que c'est montrer la différence aux enfants aussi, entre les deux sortes. Je pense que ça peut être un bon modèle. Je pense que l'importance, justement, de l'éducation à la sexualité passe par montrer l'exemple. Et ça en fait partie aussi, de dire, on est papa-maman, mais on est aussi des amoureux dans la vie ou peu importe. Donc, c'est important qu'ils comprennent ça puis qu'ils respectent ça aussi. Ça fait partie de l'apprentissage. Fait que ce matin, à part ça... J'en-tu fini, là, moi? Je sais pas. Techniquement, t'étais censé d'avoir terminé. Mûri de feuilles, on s'en ennuyait. Oui, j'ai fini. C'est donc bien bon. Écoute... C'est intéressant. C'est vrai, c'est hot, hein? C'est hot, hein? Quoi, ça? T'as eu une pause de 5 minutes, mon Pierre, là. Qu'est-ce que c'est? Mais je pensais à ça, Conrad, M. Trembley. Oui. Quand vous parlez de la position du petit canard... je finis là-dessus. Votre partenaire est sur vous, votre figure. Est-ce que ça revient au 629? Est-ce que de temps en temps, elle vous fait une fellation? Non, je ne pose vos questions. Parce que... Mais pourquoi on parlait de ça? À la base, c'était le consentement sexuel. OK. Oui, effectivement. Puis c'était une inside au début, c'était une juste une petite blague. Là, d'après moi, on l'étire un peu beaucoup. Plus que ça, moi, c'est vrai. Vous allez me retrouver dans les toilettes du pavillon étudiant. Peut-être pas avec une corde, parce que beaucoup de prévention. Sauf que ce qu'on est en train de faire, c'est comme quand tu vas au restaurant puis tu t'essayais de beurrer tes 4 toasts avec un pot de confiture. On l'étire. On parle des vraies affaires. Non, mais oui, mais rendu là, on l'égraine, la toast. On l'égraine? On égraine, là. On est dans la toast, puis je pense qu'on t'avait de passer à travers. Suffit les analogies de pain toasté. J'espère qu'on met du soleil dans votre jour, mes chers auditeurs, parce que nous. On est tellement décousus, mais rendu là, ça n'a plus rien à voir avec les sexualités. Si ça repasse le samedi soir, tard, imagine qu'est-ce qu'on peut. Écoute, on va être à l'état des gens qui vont nous écouter. Ils vont penser qu'on a bu. Oui, et pourtant, là, tout ce que... En fait, ce que Natacha semble boire, c'est une boîte verte d'or. Un thé matcha, en passant. Il y a bien boîte matcha, ton thé, il n'y a pas l'air bon. Il y avait des grumeaux, hein, qui tiennent à Trataroua de son... C'est ça. Oui, non, mais en fait, j'opterais pour du sperme bien avant ton truc. Tu me relances. Là, je te relance. Et vous, Natacha, si vous faites une position... Je ne sais pas, je ne connais pas votre vie... Quoi, Pierre? Qu'est-ce que tu veux savoir? Non, mais écoute, je suis curieux de nature et je fais mon éducation sexuelle un peu avec vous autres. Moi, la position du canard, est-ce que quel genre de, je dirais, d'intensité, de volupté et de fantasmatique cela pourrait vous donner en même temps par rapport à cette position? Je suis pas très préliminaire, Pierre. Hein? Oui. Ah. Mélanie nous dit, par ailleurs... T'es plus sur le ref, là, hein? C'est ça, je travaille sur le ref. OK. Mélanie nous dit qu'il faut fêter tous les jours à la Saint-Valentin. Tous les jours à la Saint-Valentin. Je suis un peu d'accord. Et oui, et moi aussi, par ailleurs. Je pense que c'est... garder la Saint-Valentin uniquement à une seule date... Mais oui. C'est de minimiser l'importance, dans le fond, de l'affectif. C'est d'ailleurs ce que je vais dire à ma femme... La raison pourquoi j'y achète pas de cadeaux de Saint-Valentin, c'est que je la gâte à tous les jours. Donc, elle aura pas de cadeaux. Ça, c'est genre la phrase. J'aimerais tellement, par contre, parler à ta conjointe actuellement pour savoir si c'est vrai. Ce que veut dire que tu me dis là ou que ce que Mélanie dit, c'est pas une position du petit canard seulement à la Saint-Valentin, mais à tous les jours. Je ne sais pas ce qu'il prend avec le petit canard. Je pense que la semaine prochaine, j'amène un petit canard pour le bain en jouet pour enfants. Ça pourrait être une idée. Ça pourrait être une idée. C'est un truc sexuel, ça, le petit canard dans l'eau. De quoi c'est un truc sexuel? Ah oui, mais t'as pas vu dans une écho, j'en parlais de ça? Non. J'ai pas écouté ce cours-là. Non. J'ai peut-être pas fait ce cours-là, c'était lequel? T'as pas fait ce cours. Sexualité du 21e siècle. Non, je l'ai pas fait. Là, c'est intéressant, ça. Wow. Sexualité. Là, c'est notre ami Pascal qui donne ça. En tout cas, j'ai comme l'impression que votre invité vous a... allumé. Comment se dirait choqué en français? Choqué, disons que ça, la presse est devenue ardente. Ben, disons que ce qu'on pourra dire, c'est que les milléniaux ne sont pas très fiables. Conclusion. Oh, conclusion. Il doit être au gym en train de prendre des shakes de protéines. Peut-être. J'espère qu'il nous écoute. On revient après la pause. C'est la danse des canards qui en sortant de la mare se secouent le bas des rames et font coin coin. Et comme les petits canards et pour que tout le monde se marre, remuer du popotin en son coin coin. Vous êtes à C'est Fou 89.1. Pour plus d'informations, visitez cfou.ca. Fier partenaire de la radio Cifou 89.1 FM, la microbrasserie Le Trou du Diable de Shawinigan propose une boutique de trouvailles. Tu recherches des produits à l'image du Trou du Diable ou des trésors d'artisans locaux? Pour connaître l'horaire de la boutique du Trou du Diable, visite letroududiable.com. Au Trou du Diable, on élève la bière, on cultive de la levure et on produit de la culture. Du lundi au vendredi, Mathieu Plante, Tania Baudin et leurs collaborateurs sortent l'artillerie lourde. Science, sport, vocabulaire, voyage, politique, télé, actualité. Littérature, improvisation, malbouffe, publicité, société. Assemblage requis, c'est une émission bâtie pour durer. Assemblage requis, du lundi au vendredi, de 7h à 10h. Édition week-end, les dimanches à 15h. Assemblage requis pour toi, aujourd'hui. Vous souhaitez découvrir de la musique de partout dans le monde et de nouveaux artistes? L'émission Le Trotteur est pour vous. Afrofunk, fado, bluegrass, zouk, ethio-jazz et autres styles de musique se rencontrent pour un beau voyage auditif tous les mercredis 19h sur les ondes de CFU 89.1. Vous êtes à Cifou 89.1, Trois-Rivières. Vous êtes à Cifou? À Trois-Rivières, c'est le 89.1. Et vous êtes de retour dans C'est fou le sexe, dans la, je sais quoi, la meilleure émission d'éducation à la sexualité à l'Est au monde. Ah ben, moi j'allais dire, bon, dans la francophonie. Ben, entre deux adresses, mettons. Entre ici et la SEQ. Bon, non mais on est bon, mais ça dépend du moment qu'on est bon. Effectivement. Ça dépend du bout qui nous boigne. Pendant le bout, est-ce que les émissions sont en rediffusion? Oui, ils sont libres. Est-ce qu'on peut les écouter plusieurs fois? Elles ne sont pas encore téléchargées. Est-ce qu'il y a c'est Mélanie qui va s'en occuper très, très bientôt. Est-ce qu'il y a un moyen d'écouter les émissions en ligne? En ligne, oui. Par justement le site internet. C'est fou. Il y a moyen de capter finalement. Parce qu'étant donné que je suis un grand fan de l'émission, parfois je parle à des gens et ils me disent, et c'est une réalité de plus en plus fréquente, ils n'ont plus de radio avec un synthétiseur. Oui, en effet. Donc ça prend vraiment, je pense, la radio en ligne. Mais ce serait fun de pouvoir mettre le lien. Je ne sais pas si on peut faire ça sur notre page Facebook. Oui. Ou un podcast. Ça serait vraiment cool. Ben pas nécessairement un podcast parce qu'on n'est pas très à jour. Oui, mais on n'est pas très à jour. C'est juste qu'on n'est pas à jour. Mais pour les auditeurs, peut-être faire mettre un lien sur notre page Facebook, oui. Ça serait vraiment cool. Mais sérieusement, tu dis que c'est Mélanie qui va faire ça. Bon, parce que mon horaire est trop chargé et possible? Je diffère trop dans mes... Mais est-ce que c'est possible de prendre une ancienne émission qu'on a faite et le télécharger? Oui, oui, c'est possible de le faire, OK. En fait, l'ensemble des émissions, on serait potentiellement capable de le faire. OK. Reste à savoir la durée, parce que, dans le fond, tout marche avec des disques durs maintenant à la radio. OK. Est-ce qu'on a l'ensemble des émissions? Ça, je ne le sais pas, où ils sont effacés, mais... parce qu'à un moment donné, ça vient lourd, des disques durs. Oui, mais... Mais ça, je ne le sais pas, je ne suis pas au courant. Et c'est de la poutine interne, on va régler ça nous autres. On va régler ça entre nous. Excusez. Natacha, tu avais un sujet ce matin, et j'y tiens... qui tient plus au niveau des sextos. Oui, c'est le sexting, une pratique courante chez les jeunes. Mm-hmm. Donc, chez les fameux milléniaux. Exact. Je pense que ça va de très, très jeune. Dès que les enfants ont des cellulaires... hier, dans la conférence que tu nous as parlé, les pratiques sexuelles, les jeux commencent très jeunes, 10, 11, 12 ans. Fait que c'est des choses de la prévention que les parents sont pas toujours prêts. Ça arrive comme une claque d'en face. Tu n'es pas prêt à ça. Ben, premièrement, est-ce que les parents le savent? T'sais, à quel âge les enfants commencent à s'envoyer des sextos et des images obscènes? À quel point... À partir du moment qu'ils ont des yeux là. Ben, c'est ça. Mais à quel point... Le contrôle parental est là. Tu sais, les parents sont débordés, tu sais, d'un bout à l'autre. Puis, à quelle fréquence ils vont prendre le cellulaire du jeune pour regarder ce qui se passe? Je peux donner un exemple personnel. Nous, on était quand même très, très vigilants par rapport à ça. Donc, il n'y avait pas une surveillance qui était constante parce que, à un moment donné, il faut laisser... Tu leur donnes un vieux cellulaire qu'ils ne peuvent pas prendre de photos. Non, mais... La surveillance ne peut pas être constante et hyper serrée parce que, à un moment donné, il faut leur donner de la liberté. Sinon, ils deviennent en réaction. Et c'est normal. Ils ont besoin de cette liberté. Oui, ils ne peuvent pas se développer. Mm-hmm. Puis de toute façon, on parle des milléniaux. T'sais, on parlait de mettre l'émission en ligne. Il n'y a personne de nous ici qui est capable de faire ça. Donc, c'est sûr que... En fait, on est capable, c'est juste le temps. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'un enfant... On est moins habitué. Un jeune de 13-14 ans... ou un gars ou une fille, 14, 15, 16 ans, va être très capable de configurer son cellulaire en fonction que son père ou sa mère soit incapable de voir ce qu'il y a vraiment dedans, tu sais. Effectivement, faire plusieurs... C'est sûr qu'ils sont plus habiles que nous. Faire plusieurs comptes. Donc, plus la coercition est intense, et plus ils vont développer des méthodes, mais justement. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de faire ça? C'est parce qu'ils ont quelque chose à cacher. Et effectivement. Et c'est pour ça que ça prend de l'éducation, et c'est pour ça que c'est mieux, dans le fond, de montrer... les impacts. Je trouve ça tellement triste que les cours de FPS de dans notre temps sont abolis, puis cette éducation-là se fait plus dans les écoles. Essentiel de se faire, par contre, bientôt. Elle va se faire bientôt. Selon le ministre de l'Éducation. Oui, elle se fait déjà, en fait. En fait, ce qui arrive, c'est que souvent, ça va être pas nécessairement les... à l'époque, il y avait un cours qu'on appelait FPS. Mm-hmm. Aujourd'hui, ben ça va être, par exemple, ça peut être la psycho-éducatrice de l'école avec une TES qui peut aller parler de sexualité dans les classes. Et aussi, ce qui se passe, c'est que ils ont... Je pense qu'en éducation... Ils ont essayé de mettre la responsabilité sur tout le monde, mais c'est un peu le principe de l'autoroute. Si tu fais un accident sur l'autoroute, t'as moins de chances que les personnes arrêtent. Donc, en disant à tous les enseignants, vous devez tous en parler un peu, ben ça fait probablement que personne n'en parle. Finalement. Ben oui, puis c'est un sujet pas tous les profs qui ont les compétences. Effectivement, tu sais, un prof... peut dire quelque chose de complètement contradictoire. Ben oui, c'est sa perception. Je veux dire, il faudrait qu'il y ait une certaine formation. Oui, avec des faits. Ouais. Un minimum d'informations. Ben oui. Et non pas... Puis ils prennent leur information sur Internet. La personne qui a, je sais pas, 60 ans, qui n'est pas du tout de l'époque condom, ben peut-être qu'elle-même en a jamais porté ou jamais mis. Fait comment expliquer ça? Tu sais, si le jeune a dit « Est-ce qu'on peut attraper le sida par une fellation? » La personne n'est peut-être même pas au courant. Ouais. Effectivement. Tu sais, je pense que ce qui est dangereux aussi pour la génération qui s'en vient, on parle de choix, de préférence, ça peut être même les préférences sexuelles, tu sais. Nous, à notre époque, Internet commençait. Si on voulait regarder des choses, il fallait attendre que Moi, j'ai pas connu l'époque d'essayer, peut-être Pierre pourrait plus nous le dire, ou je sais pas, Anthony, quel âge t'as. Tu sais, essayer d'aller acheter des revues pornographiques, des choses comme ça. Moi, j'ai pas connu ça, ou j'ai connu peut-être Super Écran brouillé. J'ai connu les débuts d'Internet, puis juste les débuts d'Internet, je me rappelle que tu cliquais sur une image, t'arrivais toujours sur de plus en plus de sites. Des pop-up. Mais j'imagine les jeunes aujourd'hui qui découvrent la sexualité comme ça, ils sont ouverts à pas certains choix, une multitude de choix, puis à un moment donné, ils doivent venir... Ce qui n'est pas la réalité. Ce qui n'est pas nécessairement la réalité, exactement. Ils deviennent avec une hyper-consommation, j'imagine, à un moment donné, de pornographie. Des fois, dans des sites de revues pornographiques, il y a des clips. Des clips. OK, ouais. C'est des vidéos, là. Oui. Demander, tu peux voir un petit peu qu'est-ce que Penthouse ou peu importe, puis là, Hustler, peuvent donner comme genre de vidéo. Ça, c'était le plus. Mais à ta question que tu disais, les années 53, même avant 50, de 50 à 95, 98, même 2000, on allait acheter des revues pornographiques dans... Même Charles-Chambault, il y en avait, là, puis maintenant, c'est autre chose, il n'y en a plus. Mais ça, c'est depuis... On a fait ça pendant une cinquantaine d'années. Mais je sais pas... Puis avant ça, on avait des revues. Moi, je me souviens, mon père achetait des revues. C'était dans un papier cellophane. OK. OK, c'était un jaunâtre. On savait que si c'était un jaunâtre, un papier cellophane, il y avait... Il y avait quelque chose d'intéressant à l'intérieur. Il y avait de l'intérieur. Le cul là-dedans, tu sais. Fait que là, on tournait alentour de la revue. C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi? Des fois, c'est une revue qui était de nudistes. Ouais. Tu sais, des gens qui étaient dans un club de nudistes, faisaient photographier, ou peut-être les gens simulaient qu'ils étaient dans un club de nudistes. Ça, c'est ça, les premières, je dirais. Mais je sais pas à quel point, aujourd'hui, les statistiques, mettons, consommation de magazines papier versus web, tu sais, c'est sûr qu'ils... Ils ont sorti les statistiques de le site Pornhub, là, pas longtemps. Uh-huh. Ouais, okay. C'était, pendant que vous parlez, je pourrais essayer d'y retrouver sur mon Internet, là, mais c'était... incroyable, quelque chose comme 30 milliards de vues par jour, alors qu'on est 7 milliards. Ça veut dire qu'en tout cas, je vais essayer d'aller les retrouver, mais c'était phénoménal, là. Mais je ne sais pas si depuis que Internet est beaucoup plus en vogue, si les consommateurs de revues papier vont toujours consommer des revues papier, parce que c'est comme deux feelings, j'imagine, très différents, tu sais, c'est comme... Effectivement, j'imagine que un peu à l'instar du sujet qu'on avait la semaine dernière, en comparaison entre la littérature érotique et les vidéos pornographiques. C'est deux choses totalement différentes. C'est deux choses qui sont différentes, puisque oui, il y a un côté explicite à la revue. Oui, mais il y a quand même des articles dans les revues. Oui, ben, oui, il y en a des. Mais oui, ça développe davantage. Justement, le côté imaginaire et le côté érotique et comme tu dis si bien, par les articles, par la description qu'ils peuvent en faire. Oui, j'ai déjà regardé, vous en doutez, une revue. En fait, ça a été une partie de mon éducation. Mais même les revues Summum, aujourd'hui, tu sais, c'est dénudé en lingerie, oui, mais... J'ai jamais, en fait, regardé la revue Summum. C'est vrai. Et c'est un manque à ma culture. Vraiment, par ailleurs, vraiment. Parce que. Mais c'est super intéressant. Il y a des articles vraiment sur tous les sujets. Il y a des recettes. Il parle. Il y a une section genre drink. Okay. Tu sais, c'est vraiment intéressant. Puis il y a des belles filles. Okay. Mais les filles ne sont pas dans un intégral comme. Non, non, c'est en bikini, sweat. C'est ça, parce qu'il y a une loi au Québec qui défend d'imprimer des revues, parce qu'on voit des filles en. Ah oui? Complètement nu. Ah oui, c'est... Mais, ça reste que je ne suis pas consommateur de ce genre de littérature. Tu préfères l'Internet? Même pas. Même en fait. Pas? Non, pas du tout, en fait. Je ne suis pas un consommateur ni de pornographie, ni de oui, peut-être un peu plus littérature érotique, mais sinon, je ne suis pas tellement. Ne serait-ce que pour... boycotter l'objectivation de la femme. Bon, oui, c'est vrai. Ne serait-ce que pour ça. Ça fait partie des convictions que j'ai et j'avoue que pour ces éléments-là... C'est un peu comme moi. Toi, tu regardes plus le site des télétopies, hein? Moi, je suis très télétopies. Stinky Winky me fait un de ses effets. Oui, hein? Ouais, regarde, j'en parle, là, puis j'ai un semi-croquant. OK. On continue sur les sextos. S'il vous plaît. Oui, effectivement. S'il vous plaît. Ben, une nouvelle étude a révélé que 40 % des adolescents canadiens auraient déjà envoyé les images intimes. Puis 60 % d'entre eux en ont aussi reçu. Est-ce que je peux te faire un commentaire par rapport à ça? Oui. Et ça, c'est très... C'est récent. Oui, c'est récent. Mm-hmm. Mais c'est pas ça que je veux dire. C'est vraiment au niveau de la loi. Okay. Comment c'est considéré. Si vous êtes une... Si vous m'écoutez, là, vous êtes un adolescent de moins de 18 ans, vous vous prenez en photo nu, c'est de la possession, production et possession de pornographie juvénile. À partir de... Même si c'est à oui, toi? Oui, et même si c'est à toi. Si tu te fais pogner, si pour X raisons ton cellulaire est saisi, ça, c'est production et possession de pornographie juvénile. Si tu le partages... Celui qui va le recevoir, c'est ça aussi. OK. Donc, ça peut amener de lourdes conséquences. Souvent, ce n'est pas quelque chose que ce n'est pas su. J'étais même pas au courant. Et c'est important à savoir. Ça va très loin. Une fille de 14 ans que son cellulaire est bourré de ça, qui se fait voler son téléphone. Exactement. Elle peut être dans le caca. Oui. Alors, plutôt le gars qui envoie sa photo... Mais en fait, c'est les deux. Oui, c'est les deux, mais... Parce que les photos t'envoient... Mais je ne sais pas à quel point les charges pour cette jeune-là... Ils sont peut-être pas retenus. Oui, parce que c'est des mineurs. C'est ça. Puis je veux dire, c'est elle, c'est pas comme si elle avait un cellulaire bourré de photos de plein de personnes, tu sais, je veux dire... Mais... La loi est la loi, mais... Exactement. Mais c'est que les nouvelles réalités numériques nous amènent à reconsidérer aussi certaines lois. Effectivement. Il y a des lois, je veux dire, comment qu'on appelle ça, des lois... de conscience, je dirais... sociale. Oui. Qui fait qu'à un moment donné, on est obligé de voir... Ça, ben oui, comme à l'époque où, exemple, la sodomie était interdite, des choses comme ça. Oui, oui, oui. Mais j'aurais tellement pleuré. Les cas de jurisprudence. Il y a beaucoup de cas de jurisprudence qui vont être... Mais j'aime ça le piano, oui. C'est par rapport à ça, non? Non, mais c'est vrai, on est dans un âge que tout explose. Mm-hmm. Tu sais, on n'a plus de contrôle, pas en tout sur quoi que ce soit. Mais en parlant de contrôle, dans mon article, justement, il y a 40 % d'entre elles qui ont eu des photos qui se sont partagées sans leur consentement. Effectivement. Tu sais, c'est que ça de... Tu sais, oui, ça peut être ton chum, mais à 14 ans, ça sera pas sans doute pas le père de tes enfants puis l'homme de ta vie. Tu sais, tu peux pas... À 14 ans, tu as de la naïveté que tu n'as pas à 30 ans. Effectivement. Tu sais, tu es conscient de ce que tu envoies puis de ce que tu reçois, que tu ne fais pas sous le moment de l'impulsion comme quand tu es plus jeune. Fait que c'est vraiment touché, je trouve, de ce qui peut arriver de ces images-là qui vont rester dans les cellulaires ou les ordinateurs de quelqu'un. Oui, puis aujourd'hui, avec les Messenger et Skype et tout ça, ça garde les historiques. Mm-hmm. Donc, lorsque tu reviens, souvent, les photos sont déjà présentes. Donc, une photo qui peut être envoyée il y a 3 ans, même si la personne dit « je l'ai effacée », elle reste quand même dans son historique Messenger, exemple. Mm-hmm. Bien sûr. Mais en parallèle avec ce que tu as dit hier dans ta conférence, ça serait bien de sensibiliser les jeunes à ce... Oui. À ce phénomène de sexting-là. Tu sais, on fait beaucoup de prévention au niveau des agressions, sans oui, c'est non. Mais au niveau des sextos, au niveau des photos, au niveau de ce côté-là, je trouve qu'on n'en entend pas assez parler. Ouais. L'an dernier, on a fait des ateliers, en fait, dans une école secondaire, Bianca, le Tremblay. Hein? Oui, entre autres avec Bianca. Ça faisait partie, on avait un atelier qui était spécifique à ça. Tout ce qui est... Photos, textos. Exact. Ça faisait partie des thématiques très, très actuelles qu'il est nécessaire d'aborder. Je trouve ça plate parce que souvent, une jeune qui va se faire demander une photo puis elle dit non, ben là, le gars va sembler désintéressé, faire comme, ben là, t'es donc ben poche. Mm-hmm. Fait que la fille veut pas être poche puis être ou t'es pas comme... Une, ou t'es pas C'est que c'est tellement facile, tu sais, je veux dire... Mais toi qui es dans ce... T'as l'appareil devant toi, tu sais, même nous comme adultes, je veux dire, t'as... Fait que c'est, j'imagine, les jeunes qui pensent pas aux conséquences, ils ont l'appareil devant eux, c'est caché de leurs parents, sont dans leur chambre. Je comptais pratiquement ne pas avoir d'adolescent parce que t'as aucun mais contrôle tantôt, là-dessus. Tantôt, vous disiez être un peu dans ce domaine-là avec les jeunes. Est-ce que vous avez eu vu des choses comme ça, ouais, des cas ou des gens qui se sont fait intimider par ça. Ou... Ah, ben c'est certain, là, l'intimidation en ligne. Non, mais à propos de sexto, à propos de photos qui auraient été envoyées. Je dirais que les jeunes sont tellement. C'est tellement un monde secret. Je pense que à notre époque, je pense que c'est ça peut-être qui a changé. À notre époque, il y avait une espèce de microculture qui se transmettait de façon verbale. Là, la microculture, je pense qu'elle se transfère par sexto, par texto, par Facebook, par Snapchat. Donc, c'est très, très difficile et insidieux. Et je pense que c'est pas nécessairement au-dessus des parents, des enseignants, des intervenants auprès des jeunes, parce que tout se fait par texto sur des sites où nous, on n'a pas nécessairement. Mais tu viens de parler de Snapchat, je trouve que c'est une bonne. Bonne oui et non, mais pour un jeune, tu sais, s'il veut envoyer vraiment quelque chose, s'il fait là, la personne, il n'a pas accès plus que je ne sais pas combien de secondes, puis il ne peut pas prendre le screenshot. Ouais. Fait que, tu sais, c'est quand même... Il y a quand même des logiciels... Oui, il y a des logiciels aussi où tu ne peux pas faire de screenshot. Même sur Snapchat, si tu fais un screenshot, la personne va le savoir. Il y a certains logiciels, donc, que si tu fais un... Tu peux même pas faire de screenshot. Ça va dire la politique de sécurité nous empêche. Mais ça, je trouve ça cool. Parce ou même sauvegarder les photos que tu sais, mettons, pour un cellulaire, pour un enfant, mettons, pour ton jeune, que tu puisses avoir le droit de, pas te contrôler, mais de dire qu'avec cet appareil-là, tu peux pas faire de screenshot. Bien, en fait, oui, ça peut être rassurant à ce niveau-là, mais je pense que ça fait partie aussi de l'entente avec l'enfant. Bien, je suis un petit peu d'accord avec Anthony. Je pense que si tu... éduque pas ton enfant, le jour où il va se ramasser sans balise claire, il va complètement perdre la tête. C'est ça. Donc, je donne un exemple. Eh ben, regarde, ton cellulaire, on peut, à tout moment, si on a un doute ou simplement... Pour ta sécurité, on va vérifier. Parce que je pense qu'il faut faire attention, comme tu dis... Tu sais, l'identité sexuelle, ça se développe à l'adolescence. Donc, exactement. Si tu y mets trop de... Sauf qu'en même temps, tu veux sa sécurité, tu veux... C'est que tu veux protéger ton enfant. C'est sûr. Je suis content de pas être rendu là dans ma vie avec des... Mais comme tu dis, avec des balises claires, c'est plus facile, justement, de simuler une liberté totale. De faire à croire à l'enfant. De faire à croire qu'il y a une liberté qui est totale, mais en même temps, la sécurité de ces mêmes balises-là. Ouais. Donc... c'est d'être de considérer l'enfant dans sa réalité. Puis je pense même les enfants à la limite vont avoir été élevés là-dedans, contrairement à notre génération qui est peut-être moins au courant. Puis ils sont peut-être moins à risque même que certains adultes. Tu sais, quand Natacha va avoir terminé sa chronique, je voulais parler d'Anthony Weiner, qui est un politicien américain qui a... Mais tu peux y aller, en fait, c'est très en lien. Ouais, c'est ça. Moi, je voulais parler, dans le fond, deux petites minutes, je vais aller rechercher ce que j'avais trouvé tantôt. Ben, les joies du live à la radio. Ce bruit de fond de feuille. Parce que je suis allé chercher les statistiques de Pornhub aussi, dont je parlais tantôt. Il y a eu 20... C'est un autre sujet, je veux juste clore là-dessus. Mais Pornhub a enregistré 28,5 milliards de visites et en moyenne 50 000 par minute en 2017. C'est quand même donc, quand on énorme. Dit la pornographie... Ça, c'est juste un site, là. Ouais, ça, c'est juste un site. Donc, c'est assez incroyable. C'est intense. Puis, je sais pas si vous voulez savoir les recherches les plus... bien entendu. C'est encore les lesbiennes qui ont la cote, donc au numéro 1. Numéro 2, on a... Je parle des sujets d'intérêt. Oui, ouais, ben, les recherches. Parce que Pornhub, je crois que c'est un site où tu as des onglets sur le côté et puis tu peux cliquer. Je fais comme Pierre, je tasse mon. Tu peux cliquer sur, exemple, ce qui t'intéresse. Donc, les plus Je crois. Je fasse attention, peut-être que ma petite canne à la maison écoute. Donc, lesbienne numéro 1, hentai, je sais pas si ça dit quelque chose aux gens, c'est un peu les genres de manga japonais, ça m'étonne vraiment, soit numéro 2 quand même. Numéro 3, complètement, on voit que le fantasme des femmes cougars monte, parce que numéro 3, on a MILF, et numéro 4, on a stepmom, qui est comme belle-mère. Et MILF, pour ceux qui le savent. Fantasme d'inceste. Donc, de mère et de belle-mère. Donc, fantasme de femme un peu plus âgée, j'imagine. Donc, le troisième, c'est Family F, c'est Mother I Would Like to Fuck. Ouais, c'est ça. C'est oui, ça. Pierre voulait absolument. C'est bon de dire ça parce qu'en fin de compte, l'abréviation, il y a des gens qui ne savent pas c'est quoi. Et ça, c'est un truc quand même qui est quand même dit sur le net. Puis j'en parlais dans mes cours, là. Non, c'est important parce qu'à un moment donné, oui. T'arrives sur un. Tu dis, qu'est-ce que ça veut dire, Amélie F? Mother, I would like to fuck. Mais moi, par contre, ce qui. Oui, il y a le côté de femme plus vieille. Par contre, il y a aussi la nature incestueuse. Oui, ce que j'ai vu, j'ai pas continué parce que quand, après ça, on tombait dans Stepsister, et j'avais pas nécessairement envie de d'embarquer là-dedans. Sauf que. Mais je trouve le. Le tabou est très populaire. Populaire. Effectivement. Je trouve ce lien-là mais qui est intéressant. Troublée d'entendre contre, la sœur, là. Je suis pas mal sûr que Stepfather ou des machins comme ça, ça doit suivre. Probablement. Mais pour quelqu'un qui serait. Sister, la personne homosexuelle, peut-être, ce serait. Ouais, c'est ça. Les tabous, Young Baby Sister. Donc, c'est ça. Fait que là, on tombe des fantasmes. On tombe dans des viances. Ouais. C'est ça. Puis ce que. C'est ça que je parlais l'autre jour et tu m'as dit non, Pierre. Quoi? Où est-ce que justement ce genre-là de pornographie incite? Parce que des pornographies, où est-ce qu'ils vont simuler des viols? Où est-ce qu'ils vont simuler de la pédophilie? Où est-ce qu'ils vont simuler? On parlait de BDSM, on parlait de. Oui. Avec des simulés avec des bébés. On parlait de simulés avec des animaux. Mais là, tu me dis, c'est des déviants. Mais attends, là, l'autre jour, tu me dis, c'est pas des déviants. Faut que tu m'éclaires là-dessus. Là, parce que t'éclaire, là. Éclaire-moi, Pierre. Un gars qui veut, ou une femme qui veut aller chercher sur le net, cliquer sur les choses sur le net, en fonction de ses fantasmes, et qu'il n'y a pas de pédopornographie, tu sais, à un moment donné, t'es pas intéressé, toi, par la pédopornographie, puis je pense pas... Je suis pas intéressé par la pornographie en général. Tu vas aller chercher des femmes peut-être de ton âge, ou peut-être un peu plus jeune, dans, je sais pas, 30-40 ans, mais c'est ça. Moi, je vois le site sur le site de Métro. Mais quelqu'un qui va sur Pornhub, puis même à ça, tu vas regarder, admettons, Sister, quoi que ce soit, si t'es pas attiré vers ça, tu iras pas. Non. Mais je pense... C'est ça, là. Mais j'avais déjà eu une discussion avec une amie qui me disait... Elle a parlé d'espèce de conditionnement sexuel. Puis je pense que le danger de ça... Parce qu'on pourrait le regarder de deux façons. Tu pourrais dire, exemple, la personne pédophile ou la personne qui a un fantasme incestueux va aller vivre son fantasme en ligne avec de la masturbation. Sauf que je pense qu'à force de voir des images comme ça, je pense que le conditionnement peut se faire et la personne peut avoir après ça de la difficulté à avoir des rapports sexuels normaux parce que c'est tellement habitué à avoir conditionné à avoir un certain type de pornographie. Puis je pense que ça peut être encore pire chez les jeunes, puisqu'on parlait des jeunes, qui commencent à un jeune âge à regarder des choses, disons, taboues. Si le gars de 14 ans se met juste à écouter des MILF, mettons. Les MILF, c'est encore pas si pire. Ouais, parce que c'est mom ou step-mom. Mais on les voit souvent avec des jeunes hommes. Oui, mais mom puis step-mom, c'est justement, c'est la mère qui... Oui, mais ce que je veux dire... Théoriquement... la blonde du père. La blonde du père va coucher avec son... Mais comme tu disais, il y a mom aussi. Ça, c'est plus loin. Mais on est dans... On est quand même dans le tabou. On est quand même dans le top 5, là. Oui. Mais juste prendre quelque chose de plus conventionnel, juste qu'il tape tout le temps MILF... Est-ce qu'il va être capable d'avoir une relation sexuelle excitante avec une fille jeune de son âge? C'est ça. C'est là où vient une problématique quand. Mais dans sa tête, il va passer à la femme âgée, mais il va être capable. Non, mais c'est demandé le. C'est complexe le cerveau. Oh, oui. Mais un gars qui a des rapports sexuels de type pédophilie, lui, il va penser à des jeunes, là. Ouais, mais comment j'ai vu des gars, moi, qui se matchaient avec des femmes seules, qui avaient des enfants. Et en fin de compte, c'était l'enfant qui était la cible. Ben oui. Et ça, j'en ai eu plus. Ça, c'est vraiment fréquent. Oui, par rapport aux pédophiles, ben c'est sûr. Et c'est aux enfants qui pensaient. Mais c'est là à dire où ce type de la consommation de ce type de pornographie-là est où BDSM, là. Attends. Ben, si tu cliques sur enfant ou tu cliques sur non, des choses... Non, mais attends, si tu suis moi. Bon, attends. Au-delà, écoute, sinon, le président Macron, ça, écoute, sa femme a 24 ans de différence avec lui. Il y en a 40, elle va avoir 65, là. Quand même. C'est rare. Oui, mais on avec n'en fait une, pas de avec, cas parce que c'est très on rare. On s'en fout déjà parce que c'est une femme qui n'est pas sa mère, mais qui est simplement plus vieille. Ouais. À la rigueur, oui, ça peut être tabou au niveau social parce qu'il y a une différence tabou. D'âge. Ouais. Mais c'est rare des femmes. Ouais, ok, excuse-moi. Ok, vas-y, on le temps. Mais on n'est pas dans la déviance, là. Non. Ah, ben voilà. Moi, le point est au niveau de la déviance. Pas au niveau des MILF ou. Ouais. Que oui, ça, j'ai donné c'est quand même des adultes qu'on a. Seulement qu'on parce que c'était plus. C'est ça, plus facile loin. D'intégrer, c'est ça. Et le principe est-ce que ça va encourager la déviance? Est-ce que ça va la favoriser, la déviance? Est-ce que ça va peut-être. Parce que dans le fond, il y a une cristallisation du fantasme. Je viens de régler le problème. On fait comme moi en Chine. On bloque tout ça. Ouais. Puis en même temps, à ce moment-là, quand on bloque, et ça peut avoir. Mais en Chine, ils ne peuvent pas rien voir. Oui, mais il y a quand même. Il reste quand même les fantasmes. À ce moment-là. Oui, mais tu les découvres pas. Tu sais, c'est à 14 ans. Le fantasme ne naît pas d'une découverte sur Internet. Effectivement, je suis un peu d'accord. Ouais. Alors, il y avait des pédophiles bien avant l'arrivée mais d'Internet. La hausse doit être différente. C'est parce que la hausse est différente parce que quand un fantasme dévient, ou que tu dis qu'il est dévient, et que tu vas sur Internet et que tu rencontres que tu n'es pas tout seul, et il y a des millions de gens qui ont ça. Il y a un renforcement. Là, il y a un renforcement. Mais, ouais, je suis dis, ah là, je suis normal. Je suis normal. Parce qu'il y en a d'autres qui le font. Mais je serais vraiment curieuse de savoir des statistiques, mettons, d'un pays comme la Chine, où ils n'ont aucun accès à ce genre de... Mais on ne sera pas capable de les avoir parce que les gens qui y vont utilisent des outils comme le Dark Web ou des VPN. Donc, ça va être très difficile de... Oui. Ça, savoir. C'est si il passe par là. Sinon, ben, c'est le petit voisin, c'est la petite voisine qui dit passe. Oui, effectivement, mais... tu sais, c'est peut-être pas vrai. En fait, on en est là. Ouais. Si tu regardes l'historique du Québec avant Internet, effectivement. Il y a eu les couvents. les frères Duplessis. Et il y a eu les frères, mais il y a eu des sœurs. Oui, oui, ben oui. Les orphelins Duplessis. Les orphelins Duplessis. Mais ça a été une grosse cause qui a touché le Québec. Sérieusement, il y a eu des sœurs qui agressaient des jeunes filles. J'ai aucun doute. Tu sais, c'est présent. Je veux dire, la cristallisation du fantasme, la mise en acte du fantasme. Oui, il y a comme c'est différé, selon moi. Ça vient différer la pornographie. Le passage, peut-être, à l'acte. Et ça peut peut-être même différer dans ou le retarder. Okay. Ouais, ça, c'est ton opinion. Mais, c'est ton opinion. Dans le fond, ouais, c'est ça. Ce serait de faire des études, voir les études qui ont été faites. Parce que quel effet ça a? Est-ce que, comme on disait plus tôt, ça cristallise le fantasme, puis ça porte la personne à passer à l'acte? Parce qu'on entend souvent parler de divers sites de pornographie où c'est pas nécessairement juste des sites d'images pornographiques, mais des sites de... pornographie, je voulais dire pédophilie. La pédophilie est une orientation sexuelle et les gens se renforcent là-dedans. Il y en a de plus en plus, puis on en entend parler des fois à la radio sur d'autres émissions. Ouais. Puis ça, je pense, ça peut être dommageable. Effectivement. Par contre, il y a des études, et puis c'est pas pour adhérer nécessairement en ce sens-là. C'est pas nécessairement une orientation. Par contre, il y a des groupes d'études qui sont à l'œuvre par rapport à cette thématique-là, puis qui essaient de démystifier un peu c'est quoi la nature de cette déviance-là. Est-ce qu'elle est innée ou est-ce qu'elle est acquise? OK, oui, c'est ça. C'est vraiment intéressant. C'est très intéressant. Mais je pense qu'on n'a pas suffisamment de réponses actuellement. Effectivement, ce serait de faire une... Et comme ça, ben, peut-être que si on avait ces réponses-là, ce serait peut-être plus facile de faire du dépistage précoce pour aider... Les pédophiles. Effectivement. Pour qu'ils ne cristallisent pas et qu'ils ne réalisent pas leur fantasme. Effectivement. Les aider à développer peut-être une autre sorte... Si on voit qu'un jeune exemple à 14-15 ans a déjà des... C'est ça. De la faire rencontrer quelqu'un et... C'est ça. Et un suivi peut-être plus... Sauf que c'est sûr qu'un jeune qui vit des choses comme ça n'en parleront pas nécessairement. Exactement, parce que présentement, le système est coercitif. Effectivement. Et puis, là où je voulais en venir tantôt, quand je parlais des jeunes qui ont... Je pense que les adultes vont être peut-être encore plus touchés au phénomène avec l'Internet et tout ça. Parce que je pense que nous... Au moment où les cellulaires sont sortis, les ordinateurs sont sortis, on réalisait peut-être pas l'impact, et même les gens plus vieux, que tout laissait un peu des traces. Et il y a un politicien connu aux États-Unis, Anthony Weiner, qui lui était pratiquement le bras droit d'Hillary Clinton lors de la dernière campagne électorale, effectivement, qui a été touché par plusieurs scandales d'allégations sexuelles. Lui, c'est un homme qui était marié et envoyait plusieurs sextos à des femmes qui n'étaient pas nécessairement non consentantes. Selon ce que j'ai lu, mais peut-être faudrait que je m'informe mieux sur le sujet. Mais de ce que j'ai lu, c'est que les femmes n'étaient pas nécessairement non consentantes. C'est des gens avec qui ils étaient déjà en relation, qui parlaient déjà. Et puis, relation de travail, là. Non, pas nécessairement de travail, relation texto, un peu flirtage. Puis il a renvoyé des photos de lui, de son pénis, des choses comme ça, à ces filles-là. Et puis, ça a certaines filles qui s'est présentées comme candidat démocrate. Aurait sorti ces photos-là en exemple, dire « Regardez, c'est un détraqué sexuel. » Alors que dans le fond, ce qu'il faisait, lui, c'était simplement envoyer des textos à des gens à qui il parlait déjà. Il allait à la pêche un peu. Il allait à la pêche un peu. C'est sûr qu'il était marié, mais... T'es sûr que c'est pas républicain, ça? C'est un démocrate? Non, Anthony Weiner, former member of the United States House of... non, il était... Democratic U.S. Congressman. OK. Donc, il était vraiment démocrate. Je me souviens, c'était pratiquement le bras droit de Hillary Clinton. Et évidemment, Donald Trump, comme on connaît son caractère bouillant, a sauté là-dessus pour... Mettre à terre Hillary et cet homme-là qui a dû divorcer, lâcher sa job et tout ça. Donc, c'est ça. Tout semblait, dans le fond, on voit des femmes de 21 ans. Mais là, si je lis plus loin... je vois qu'il a déjà envoyé des sextos à une fille de 15 ans, donc ça c'est vraiment inacceptable. Ouais. Sauf que si je me rappelle quand l'histoire s'est développée, moi j'avais pas entendu de l'histoire de la fille de 15 ans. Ouais. C'était simplement avec des filles de 22-23 ans. Puis je comprends. Même à ça, là. Quel âge il a? Oui, il a dans 50 ans, 60 ans. Anthony Weiner, il n'a pas écrit son âge nulle part. J'ai une photo de 2007, si il a l'air d'avoir, si vous voyez, une quarantaine d'années. Ouais. Ouais, Wikipédia, peut-être tu pourras le trouver. Ouais, donc c'est le cas d'Anthony Weiner. Mais il y a plusieurs cas comme ça. Ne pas mélanger avec votre animateur, s'il vous plaît. Ouais. sur ce, on va vous quitter pour une courte pause. Touchez pas ce piton-là. Tu veux avoir du sexe plein les oreilles? Reviens-nous à C'est fou le sexe sur les ondes de C'est fou 89.1. Souvenir un peu dramatique, cinématographique. plus d'informations, visitez cifou.ca. 89.1. Le blog écoutedonc.ca se transporte à la radio. Karina Tardier et ses collaborateurs vous attendent chaque mercredi sur les ondes de Cifou 89.1 FM. Ne manquez pas votre rendez-vous hebdomadaire de découverte musicale et de critique de spectacle à la région tous les mercredis de 18h à 20h avec écoutedonc.ca. Ce qui se passe sur le campus, ce qui se passe à Trois-Rivières, nos journalistes vous le partagent avec passion. Zone Campus, le journal étudiant qui vous tient au courant. Retrouvez-le dans chaque pavillon de l'université ainsi que plusieurs commerces du centre-ville. Salut, tous les mardis à 21h, j'anime Matière Noire. T'aimes le métal progressif mais t'as pas peur de plonger dans des styles plus obscurs? Cette émission-là est pour toi. Viens me rejoindre, c'est un rendez-vous. C'est fou! 89. De retour à C'est fou le sexe, vous êtes sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Il est maintenant 11h39-37, donc j'ai deux horloges. Est-ce qu'il y a des gens qui sont écrits par rapport au féminin de chiot? Non, Pierre, okay. Malheureusement, personne n'a répondu le à ta question. Le féminin d'un casse, un casse, c'est quoi un casse? Un casse. Quand on dit ça, c'est un casque. Casse. C'est quoi le féminin d'un casse? Ah, la semaine prochaine. Une casse. Casse. Je sais pas. Casquette. Ok, je vois dire. Le féminin de chaud, c'est une chatte. Ok. Ok, vas-y, Anthony. Oui, écoute. Je suis déboussolé par. Ça frappe, hein. Ton jeu de mots. Ça frappe, hein. Ah, Seigneur. Oui, ça frappe. Ça frappe, j'en suis déboussolé. D'accord, qu'elle sait. Pas connu les années 60, oui, ça paraît. Non, ben écoute, non, je préfère. C'est correct demain. L'avantage des années 60, c'est un peu ce que je disais, c'est qu'il n'y avait pas de traces de ce que tu as fait dans les années 60. Donc, non. Heureusement, peut-être pour toi, on n'a pas de preuves aujourd'hui. Parce qu'on parlait pendant la pause, moi et Pierre, des scandales sexuels. Puis c'est justement, Anthony Weiner, lui, a été accusé parce que ça s'est fait par texto. Mais combien de congressmen, ou même au Québec, combien de gens ont eu des comportements sexuels déviants, mais qu'il n'y a pas de traces? Puis je pense que c'est beaucoup dans l'actualité par rapport, exemple, à Donald Trump. Lui, c'est du réel. Ouais. C'est dans l'ordre du réel, donc il n'y a pas nécessairement de photo de ça. Alors que tout ce qui se passe par texto reste. Puis Anthony Weiner a été victime de ça. Contrairement à notre Anthony, ici, qui ne regarde aucune pornographie et qui est blanc comme neige. Un bon père de famille. Ah, je ne suis pas blanc comme neige. Et j'en ai regardé dans mon adolescence, mais j'ai vite perdu l'intérêt de ce type de médias-là. Je suis plate de même. C'est correct? Qu'est-ce que vous voulez? C'est dans ma personnalité, malheureux. Ben, heureusement ou malheureusement, mais bon. C'est même pas une question de désirabilité sociale. C'est juste que j'ai pas d'intérêt. J'avais plus d'intérêt, en fait, puis je te dis, je très candidement, envers les Bleues Nuits et les Emmanuel que j'ai regardé de façon assidue pendant mon adolescence. Et qui favorisait justement une certaine érotisation ou imaginaire érotique. Quand on a découvert Super Écran, c'est un peu comme le jeu La Fureur, tu sais. Il y avait le bout de sexe. Après ça, c'était caché. Mm-hmm. Pour ceux qui ont mon âge, j'en rappelle, on avait la télé cachée pendant 4-5 secondes et ça revenait. Donc, il fallait comme remplir le trou avec notre imaginaire. Exactement. Donc, puis ça favorisait justement l'imaginaire. Et cet imaginaire-là est très, très utile dans une sexualité saine. Mmh. Ne serait-ce que la capacité de s'auto-érotiser, c'est fondamental, en fait. Dans une sexualité saine. Mais quand c'est tout cuit dans le bec, quand c'est gratuitement paf, coït. Combien d'hommes vont préférer voir une belle femme bien habillée que voir une femme complètement nue. Il y a des troubles érectiles qui se développent par ailleurs à la consommation excessive de pornographie. Ah oui? Il y a carrément des problématiques sérieuses au niveau de même des relations sexuelles. J'ai aucun doute. Ça leur prend ce type de stimulation-là. Sinon, ils ne sont pas capables soit d'avoir une érection ou de poursuivre un coït jusqu'à la fin ou d'arriver à l'orgasme. Donc, des conséquences qui sont quand même perte de désir également. J'ai fait un bon passable travail de session à ce sujet-là. Et les Asiatiques sont forts là-dessus. J'avais déjà vu au Japon, les jeunes hommes se mettaient de moins en moins en couple. En fait, les jeunes gens se mettaient de moins en moins en couple parce que leur vie de jeu vidéo était satisfaisante pour eux socialement. Puis probablement qu'ils comblaient la sexualité avec, j'imagine, de la pornographie ou des choses comme ça. Au Japon. Ouais, c'est au Japon. Ailleurs, le sexe de l'homme ne doit pas être montré. Ah non? Et c'est pour ça que dans les hentai, on voit autant de tentacules et de toutes sortes de trucs. Je ne savais pas. C'est une représentation, si tu veux, imagée du phallus masculin. Ah ouais. Parce que le pénis en pornographie ne doit pas être montré. C'est pour ça qu'on voit le brouillé. Okay. Dans les, et celui de la femme? Bonne question. C'est une loi? Est-ce que c'est encore en vigueur? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est culturel? Mais je crois que c'était une loi. C'est comme si je dis pas de niaiserie, c'est en Australie où les femmes ne doivent pas avoir dans les films pornographiques ne doivent pas porter un bonnet plus inférieur à B pour éviter toute confusion avec une jeune femme prépubère ou pubère. Pour ne pas inciter les hommes à avoir du désir envers les jeunes femmes. Exactement. Qui ont pas ça. Mais je me souviens pas si c'est est-ce que c'est bel et bien en Australie, mais il faudrait que je retrouve là-dessus. Ah ouais. Intéressant. Ça fait partie des lectures de fin de soirée qui. Mais dans les mangas japonais qui sont très populaires, il y a une connotation homosexuelle aussi, hein. On va beaucoup représenter... Comme n'importe quelle pornographie. Mais il y a des films aussi d'enfants comme... Des films d'enfants. Oui, que quand tu regardes en tant qu'adulte, tu as une connotation. Ah oui, ben oui. Comme l'air de glace, je pense, que je m'étais déjà fait dire. L'air de glace, Shrek, il y en a plusieurs où est-ce que tu... En tant qu'adulte, tu peux voir... Inévitablement. On n'est pas dans Party de saucisse, par ailleurs. J'ai pas vu. Ça vaut la peine de regarder Party de saucisse, ne serait-ce que pour se taper la tête d'un mur en disant cool, « Mais cool. Pourquoi j'existe? Pourquoi j'ai regardé c'est ça? Bon? » C'est quoi, ça? Party de saucisse, c'est un dessin animé pour adultes. J'ai compris Party de saucisse. Oui, c'est ce qu'il a dit. C'est ce que j'ai dit. Mais c'est-tu bon? Sausage Party. Oui, en anglais. Est-ce que c'est bon? Tout est relatif, c'est très, très, très vulgaire, c'est très, très cru, mais c'est un divertissement. C'est comme South Park, un peu. Oui. South Park, des fois, c'est... Ouf. Mais c'est très à connotation sexuelle. L'ensemble de l'histoire tourne autour d'une pulsion sexuelle entre une saucisse et son pain. Okay. Et le seul but de leur existence... C'est de se retrouver. Exactement. Parce que l'expression « party de saucisse » au Québec veut dire qu'exemple, je fais un party chez nous et aucune fille se pointe et on se ramasse, moi, toi et Pierre, à boire de la bière, puis assis sur le divan, puis on dit « Oh, c'est un beau party de saucisse » parce qu'il manque de pain. Il manque de pain. Mais en même temps, c'est très hétéronormatif comme principe. Moi, j'ai aucun problème avec, avec un party de saucisse qui se termine quand même sans pain. j'ai pas de problème avec ça. Sur ce, trêve de malaise, allons-y gaiement. Sans jeu de mots. Je me sens très malaisé, moi, ici. Sans très malaisé. Moi, oui, il faut que je parte, je suis plus capable. Bon. Dit-il en prenant une petite voix bizarre. On va être accusé d'homophobie. Non, je ne suis pas... Mais t'es loin de l'homophobie. Une petite madame, mais je m'excuse, Anthony. Moi, j'ai 63 ans, je m'appelle Pierrette. C'est les plus cochons. Je ne peux pas, moi, entendre ça, ces affaires-là. Ils ne sont pas sur le bon poste. Il y a des pierrettes, il y a des pierrettes de 63 ans qui sont très chastes et très offensées. Ouais. Il y a des pierrettes aussi de 63 ans qui sont très ornées. Je ne voudrais pas qu'on se fasse accuser de gérontophobie, mais non. Non, mais ce que je veux dire, c'est toute oreille chaste de 20, 60, 80, 100, je m'en fous. Oui, il y en a. Mais ils sont pas... Je ne sais pas si tu as remarqué hier à la conférence, et c'était très... Moi, je m'en amuse, mais à partir du moment où je dis les mots pénis, vulve, il y a un malaise. Il y a visiblement un malaise, et je suis devant un public qui est quand même averti et... Universitaire, éduqué, académique. Et il y a un malaise à entendre le mot pénis et vulve. C'est extraordinaire. Pourtant, c'est des mots anatomiquement très justes. Je parle pas de... Excusez-moi, pardon, je vais le dire, mais de plot. Quoi? Non. Ouais, de plot. Je parle pas de la plot de laine. Je parle du mot qui est utilisé pour... C'est ça, moi, je mets des malaises à cause. Mais pourquoi les gens ont un malaise? T'sais, je me souviens encore de mes premiers cours d'éducation sexuelle, peut-être 6e, 5e année, où l'infirmière arrive dans la classe et dit « Dites-le, pénis, vagin, et tout le monde part à rire, et personne n'est capable de le dire. » Et là, tu parles que tu as fait une conférence devant des adultes éduqués universitaires et qui ont encore un malaise avec ces mots-là. C'est assez incroyable. Un malaise. Est-ce que c'est juste au Québec? Est-ce que c'est pire ailleurs? C'est très intéressant comme questionnement. Ça mériterait d'être étudié. C'est quelque chose de très personnel. Ouais. Puis je pense que c'est pire au Québec, c'est moins pire, parce que si on prend au Québec les sacres, souvent les sacres sont liés au tabou. Les sacres au Québec sont beaucoup liés à la religion. Puis si tu prends la culture anglophone, « bitch, motherfucker », c'est beaucoup plus lié au sexe. Donc je pense qu'au Québec, on est ouvert, puis malgré ça, il y a un malaise, c'est assez incroyable. Au Québec, la tradition des sacres remonte à 1850. Et quelques années après la révolte des patriotes. Okay. Parce que le bas clergé était pour les patriotes et pour le peuple, le haut clergé était contre, était pour l'établissement. Okay. Mais peux-tu nous dire l'historique du mot, pourquoi le mot vulve fait encore sursauter? Je sais pas. Écoute, c'est une question de culture. Même mon grand-père disait, non, pas mon grand-père, lui, ben oui, pas me disait, mais il disait ça à mon père parce qu'il est mort quand j'étais jeune. Il disait que lui, il ne pouvait pas, dans son langage, utiliser le mot C-U. Comme M. le curé, c'est M. Turé. Mais voyons. OK. Ouais, M. le curé. Comprends-tu? Il y avait un T-U pour ne pas faire partie du Q. Et un exemple... Un tunilingus? Qu'est-ce que tunilingus? Il n'y avait pas de mot comme ça, tunilingus. C'est un nuage. Tu sais, il y avait comme des connotations. Écoute, quand il y avait le pape Pie-7, P-I-E, 7, il y a eu P-8, P-9, P-12... Pisset, qui était dans le temps de Napoléon, OK? On ne pouvait pas dire son nom au Québec, là, On ne pouvait pas parler du pape Pisset, parce que ça faisait connotation avec la sexualité. Pour faire un peu de pouce sur la conférence d'hier, en fait, quand je parlais d'éducation à nos enfants, comment on fait pour éduquer nos enfants, ça fait partie aussi de l'éducation à nos enfants, et ça m'écœure de ne pas l'avoir dit hier. je m'en rattrape. Mais des fois, quand tu es dans le vif du sujet, t'en oublies. Là. Surtout quand tu finis d'écrire ta conférence 3 minutes avant. Mais en tout cas, tout ça pour dire que. Pas obligé de le dire, ça. Je n'étais pas obligé de le dire à la radio devant 3 millions de personnes. OK. Oui, effectivement, j'ai fini d'écrire la conférence très, très juste avant parce que, bon, j'ai eu des problèmes de toutes sortes de nature, dont Internet. Juste pour revenir à la notion que je voulais parler. Tout ce qui est des mots, justement, d'utiliser les bons mots avec nos enfants. Au lieu d'appeler as-tu bien lavé ta minoune? C'est pas une minoune, t'as-tu bien lavé ta vulve? As-tu bien lavé ton pénis? C'est pas un zouizoui ou un tiwizo, c'est un pénis. Appelle ça un pénis, bazar. C'est vrai. Puis si vous êtes dans l'auto ce matin et que votre enfant répète pénis, pénis, pénis, pénis, non, c'est pas dramatique. Faites juste lui dire que pourquoi tu me parles de ton pénis? T'sais, c'est pas un mot qui est drôle. Si vous riez vous-même quand votre enfant vous dit pénis, c'est sûr qu'il va le répéter. Ouais. Si les autres enfants rient, c'est sûr qu'il va le répéter, puis c'est normal. Comme les mots liés à souvent l'homosexualité, quand les enfants les répètent, on ressent un profond malaise. Ou caca, pipi, c'est la même chose. C'est ça. faut juste les dédramatiser. Oui, c'est nous. En fait, c'est les parents qui créent le tabou. Exactement. Même à l'école, un jeune lâche un pet, tout le monde rit. Tu sais, c'est... Mais pourquoi? Mais c'est vrai! Bon, ben, écoute, on va se lâcher en studio, Natacha, allez-y. Pour lâcher un pet, ça fait rire. Non, mais c'est vrai! Eh oui, effectivement, ça fait partie de la... C'est très, très naturel comme réaction, c'est très physiologique. Pourquoi qu'on en rit, pourquoi c'est ça fait aller, ça fait comme délinquant, ça fait un peu comme... C'est que c'est tabou. Décousu, ouais, c'est ça. C'est ça. Mais c'est nous qui créons les tabous. En fait, c'est l'accumulation des tabous individuels qui forment un tabou collectif. C'est pareil qu'on va demander, tu vois des gens bien sérieux qui lâchent un pet, tu vois plus de la même façon après. Est-ce non. Tu as remarqué ça? Ou une conjointe. Ou une conjointe, pendant l'acte. Non, peut-être pas. Ouais, mais ça peut arriver. Shit happen. Non, mais c'est parce qu'elle peut être agressive aussi, hein? Elle dit teint, oui. Ça fait la position du canard, surtout. Quand... Ah non, pas le canard, puis le pet. Là, t'es fait, ta journée est faite, hein? Ça réveille mal, là, parce qu'on parlait que c'était la façon de se réveiller. Oh my God! Ah ben là, je pense que le petit cop de confiture est rendu sur une deuxième heure de toast. Il reste plus grand-chose. Non, mais c'est très sérieux, on voit dans l'intimité. Oui, effectivement. Il y a des coupes, hein, qui sont donnés comme la notion de péter dans une femme qui pète, mais il y en a qui disent il faut pas péter dans le lit, hein, quand on est ensemble. Non, mais il y en a. Ah, mais... OK, on va faire du temps qu'à le déboîter, cette story show-là. On va le déboîter jusqu'à la fin. Oui, c'était vraiment. Parlons-en des flatulences au lit. Les flatulences. Les flatulences. Les platulences, tu veux. Oh mon Dieu. Mets ça comme tu veux. Ben, à la rigueur, une flatulence au lit impromptue. Ça dépend de la position. Non, mais. Ben oui, mais. Hein? Ouais, mais attends peu. Oh. Ben oui, parlez-en. Attends peu. Laisse-moi suivre. tu vas voir. Quelque chose qui est impromptu et qui n'est pas provoqué, mais à quelque part, c'est un manque de civisme que de péter de flatuler, ne serait-ce qu'en compagnie de quelqu'un d'autre. Un aiguillingus, par exemple, hein, ça retombe non, mal. Non, mais maintenant qu'on est un petit peu plus... Très mal. Ah, c'est bien, citron. Citron. Tu peux libérer la bête. Tu vois qu'elle aurait glissé vers un autre... avec, est-ce qu'habituellement, c'est Bélanie qui le ramène? Non, mais je pense que... Non, d'habitude, la venue de Conrad, on donne 2-3 valiums avant le show. Conrad Tremblay. On l'attache. C'est à cause de lui, hein, qu'on dérive. Hein. Non, hein, je pense que c'est pas mal comme ça doit être. On dérape à cause de lui. Mais c'est pas grave, on vous aime d'amour. Fait que, oui, non, mais c'est un manque de civisme, davantage que de tu sais, il y a des couples qui font ça. Il y a des couples qui vont se taquiner en flatulant au lit. Puis, visiblement... Belle dynamique. Mais il y en a qui font ça. Il y en a qui vont... qui vont le faire en voiture. Il y en a qui... C'est un peu spécial. C'est un manque de respect. C'est un manque de civisme. Pierre, alors, bon, arrête ça particulièrement. Arrête ça, là. Il manque de civisme. Oui, mais aujourd'hui, oui. On est... Moi, je me dis tout le temps, est-ce que c'est moi qui est trop guindé? Non, moi, j'accepte pas ça. Je me dis, l'autre, est-ce qu'il ferait ça à une première date? Ben, c'est ça, si tu la fais pas à première date, pourquoi tu la ferais à troisième ou après 10 ans? Ben, le troisième, c'est rapide. Moi, je dirais... à 4. Un an. Ah, OK. Mais un an avant que ça serait correct? Moi, je pense que minimalement, du moins si ça m'arrive, parce que ça m'est déjà arrivé, moi aussi, mais c'est minimalement de s'excuser puis de pas en faire une habitude. Mon ouais, ça. Puis tu sais, dans le lit, c'est important de bien lever les couvertes pour pas que l'odeur reste dans le lit. Ben, tu sais, c'est... Ah, oh, je suis désolé, chérie, ça arrive, là, tu sais, shit happens. Hey, oui, hey, ce matin, on est très profond. Ça fait réveiller... On parle des flatulences. Non, mais ça fait réveiller des émotions cachées. Non, d'habitude, ça endort. Mais moi, je mettrais... On dort au gaz. Je mettrais la démandale d'aujourd'hui, de l'émission, sur le dos de notre invité. Oui, c'est à cause de toi. Milléniaux. qui ne s'est pas présenté. Qui ne s'est pas présenté. Oui, ben là, je ne connais pas, mais... Comment tu s'appelles, ton millénio? Il doit être premier, mais celui de Nathalie. Il paraîtrait qu'il a passé le matin à sexter et à prendre des chèques de protéines. C'est possible. Ben, j'imagine, étant donné que c'est un millénio, il faudrait aller voir son Instagram. Un millénio douchebag, précisons-le. Mais je connais, il y a plein... Oui, OK, oui, là, c'est pas pareil. Parce qu'il y a quand même plein de milléniaux qui ne sont pas de cet acabit et qui ne partagent pas ce type de valeur. Est-ce qu'on dit un milléniaux, d'ailleurs? Ben oui, sûrement. Non. Un milléniaux. Parce que, en fait, c'est pas un... genré. Ah, l'affaire des genrés, question, arrêtez ça, hein? On voit l'ancien, l'ancienne pensée sexologique avec nouvelle un petit peu plus... Je suis capable, moi. Non? Pas de joie genrée, pas de statut genré. Christ. Ben, je pense qu'il faut pas. C'est comme n'importe quoi. C'est comme le féminisme. C'est comme bien d'autres affaires. Dans c'est que quand on pousse à l'extrême. À un moment donné, un texte devient complètement décousu quand. Et illisible. Tu sais, c'est ça. Il ou elle. Ben, il ou elle, vous êtes mes alliés et eux, accent. À un moment donné. C'est ça. Ça devient très idéologique. Mais à un moment. Mais c'est important de le mentionner peut-être au début. D'en faire mention ou je pense d'être sensible à cette réalité-là parce qu'il y a des gens à qui ça touche, il y a des gens à qui ça cause un réel malaise, donc il faut être sensible à ces gens-là. Je pense pas que de systématiquement rejeter la dégenralisation. Oh non, mais quand même. Mais en étant masculin, il y a deux mots qui sont proscrits, c'est féminin, masculin. Et juste une valeur, moi j'ai un pénis, puis ma blonde, puis les filles ont des vulves, puis après, c'est, on est égal. Pourquoi que pas faire ça pour être quoi? Oh, tu m'excuses, j'aurais peut-être pris un langage non genré, Chris. Hey, maintenant, je suis plus capable, je décroche là. Ça sera un débat d'un autre émission. On achève ce matin. Est-ce qu'on se laisse sur la danse des canards? Oui! Why not? Je ne voirais pas une meilleure façon de clore le sujet. Et voilà. Donc, sur ce, on vous laisse. À la semaine prochaine. Revenez-nous en forme de 10h à midi, mardi prochain, sur les ondes de C'est Fou. Bonne semaine! Et bonne Saint-Valentin! Bonne Saint-Valentin! Merci à Monsieur God. Bye-bye! C'est la danse des canards qui en sortant de la mare se secouent le bas des rames et font coin coin. Faites comme les petits canards et pour que tout le monde se marre, remuez du popotin en faisant coin coin. À présent claquer du popotin.